bienvenue sur Énergie. Il est pile 6h, on est à l'heure. En même temps, on commence. Soyez les bienvenus, on est là pour démarrer cette journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9. Juste après les infos, on va s'écouter Calvin Harris et les concours du jour. C'est dans moins de 10 minutes pour démarrer la journée. C'est pour ça qu'on les fait en début d'émission. Mais oui, Manu. Pour dès le début se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Ouais. Et j'avoue, ça me fait du bien. Moi aussi. Voici les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore plus de brouillard ce matin sur une large moitié nord. Soyez très prudents sur la route. Cet après-midi, on va retrouver du soleil sur la majorité du pays. Et quelques nuages aussi, mais pas de pluie en principe, de la Bourgogne-Franche-Comté au Grand Est en passant par les Hauts-de-France. Des éclaircies annoncées tout de même sur la zone. Et les températures remontent de 10 à 19 degrés en ce moment. Au max, on aura 14 à Sedan, 16 au Mans, jusqu'à 21 pour Toulon cet après-midi. Plusieurs personnalités américaines visées par des colis suspects. Hier, Barack Obama, Hillary Clinton ou encore des représentants de CNN ont reçu des paquets contenant des engins ressemblant à des explosifs. Aux États-Unis, ce matin, on évoque la piste du terrorisme politique en pleine campagne électorale, même si personne n'a revendiqué. Ce sont surtout des opposants à Donald Trump qui ont été ciblés. Le président a immédiatement condamné toutes ces attaques. Une date importante, tous les syndicats de salariés et de patrons se retrouveront le 9 novembre pour le début des négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement leur demande de faire des économies importantes sur le système qui existe déjà. Ça s'annonce très compliqué dans un contexte de légère hausse du nombre de demandeurs d'emploi en France. D'ailleurs, les chiffres pour le troisième trimestre seront dévoilés ce midi. 1,5 milliard de dollars, le montant record de la plus grosse cagnotte du loto de l'histoire. Le jackpot hallucinant vient d'être remporté aux États-Unis. L'identité du gagnant n'a pas encore été dévoilée, mais on sait déjà qu'il a validé son ticket dans une petite ville de Caroline du Sud. Il avait une chance sur 300 millions de remporter le gros lot. Le sport, le foot, Paris a eu très chaud hier, mené à deux reprises chez eux contre Naples en Ligue des Champions. Les joueurs de la capitale peuvent dire merci à Angel Di Maria qui a égalisé dans les arrêts de jeu. Score final 2-2 pour un PSG seulement 3e de sa poule et donc en grand danger pour la qualification à mi-parcours. Un petit peu plus tôt, Monaco ramenait le point du nul 1-1 de Bruges en Belgique. Place à l'Europa League ce soir avec notamment Marseille, Lazio de Rome au stade Vélodrome. Un petit mot de vélo aussi, le parcours du Tour de France 2019 sera dévoilé aujourd'hui à Paris. Départ prévu le 6 juillet de Bruxelles en Belgique pour une arrivée sur les Champs-Élysées. Comme d'habitude, 3 semaines plus tard. Ça, c'est fait. Il n'aura fallu que 5 petites minutes à Pink hier pour remplir la salle. Les 38 000 billets de son concert à la Paris La Défense Arena le 3 juillet prochain se sont envolés en un rien de temps. La chanteuse est nommée cette année au Energy Music Awards, tout comme Calvin Harris. Le DJ sortira un nouveau single la semaine prochaine et il pourrait y chanter dessus, selon les rumeurs. Le producteur Benny Blanco, connu pour son travail avec Britney Spears et Katy Perry, a bossé sur le morceau. Les votes pour la 20e édition de la cérémonie des Energy Music Awards, c'est comme d'habitude sur energy.fr. Ce matin, 6h03, fin de ce flash, on est le jeudi 25 octobre. Effectivement, Manu, on est à l'heure, c'est normal, ça commence. Bon réveil, bonne matinée, Manu dans le 6-9, ça continue. Et nous, on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Coucou les Wawa. Coucou. Bonjour Isabelle. On se réveille. Bonjour Paulette. Pensée positive. Bonjour Glandu. Grand sourire. Bonjour Nico. Hashtag bisous. Et bonjour papa. Bonjour. Allez, ça commence. Sur Énergie, nous sommes déjà de retour. Oui, pour démarrer cette nouvelle journée, pour créer cette nouvelle journée, on est jeudi, c'est le 25 octobre. Je vous l'annonce comme ça, vous le savez, l'hiver arrive, c'est annoncé par Evelyne Delia. Ah, ouais, ah, si c'est annoncé par Evelyne Delia. Ah, bah, quand Evelyne Delia dit un truc, excuse-moi, mais moi je la crois. C'est vrai, c'est vrai. Si elle dit que les fantômes existent, les fantômes existent. D'accord. Evelyne Delia, c'est ma copine du soir. D'accord. Ok. Et bien, Evelyne Delia a dit, l'hiver arrive, les amis, la semaine prochaine. Ouais. Donc, là, il faut se couvrir. Ouais. Ok, on sort les pulls, les écharpes, les bonnets. Moi, je fais ça ce week-end. Je m'en occupe. Oh, t'as un trop week-end trop génial. Ouais. Ça va être changement d'heure, ça va être dur ce week-end. Ah, il y a le changement d'heure aussi. Ouais, les deux. Ah ouais. Oh là là. Oh. Ouais. Ils nous mettent tout d'un coup. Hein. Oh, c'est pas sympa. Ouais. Non, ce changement d'heure, on l'aime bien pour. On gagne une heure de sommeil. Ah ouais, c'est cool. Ouais. Ah, c'est vrai. Mais la nuit tombe plus tôt. Voilà. C'est ça. On peut pas tout avoir. Allez, on va démarrer pour de vraies émissions. Calvin Harris arrive pour vous dans deux minutes. Juste après, c'est les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. Je vais vous raconter leurs histoires. Deux histoires de bière aujourd'hui. Ah, eh ben oui, écoutez, les gens, okay, apparemment, pour la bière, font des trucs débiles. qu'avez-vous envie de partager pour démarrer cette journée, les amis, Paulette? Et ben moi, il m'est arrivé un truc pas mal hier, quand même. Un truc pas mal. Ouais. Il y a un mec qui est passé à côté de moi dans la rue et qui s'arrête et qui me dit: t'es bonne. T'es bonne, comme ça. Clairement. C'est ça le truc pas mal qui t'est arrivé? Ouais. Et ben non, c'est pas ça, c'est la suite. C'est la suite parce qu'au lieu de m'énerver, j'aurais fait ça avant, au lieu de m'énerver, je lui ai dit: toi aussi. Très gentiment, avec le sourire. Il dit: t'es bonne, tu le retournes, tu le regardes toi aussi. Ouais. Mais tu le pensais vraiment? Non, pas spécialement. Ah. Mais c'était pour désamorcer en fait. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'il s'est senti complètement décontenancé, il est perdu, il est parti. Il savait plus quoi dire en fait. C'est pas mal ça, c'est cool. Ouais, bravo Paulette. Ah, ouais. Là j'ai le truc anti-relou. Hein. Attends, vas-y. T'es bonne. Toi aussi. Ah, ok. Ça marche pas avec tout le monde. Non. Qu'avez-vous envie de partager avec nous ce matin, Nico? Vous avez devant vous un potentiel serial killer. Oh. J'ai ma belle-mère qui allait trop loin là. Entre le T-Bone et le serial killer, ça fait beaucoup. Non, mais ma belle-mère. Belle-mère est allée trop loin. Ouais, mais ta belle-mère, tu sais quoi? Je te connais depuis quelques années maintenant. Ta belle-mère, j'ai l'impression qu'elle est allée trop loin le jour où tu l'as rencontrée en fait. Ouais, mais là, c'est de plus en plus, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier, je joue ma boîte aux lettres et je reçois un avis de passage de la poste. Ah, ouais. Je me dis, ok, c'est qu'il y a un truc qui m'attend. Donc je vais à la poste l'après-midi, je vais faire la queue au guichet. Et là, je récupère un colis. Donc je me dis, cool, putain, j'attends de rien, c'est top. Dans ce colis, je rentre à la maison, je l'ouvre. Il y avait quoi à l'intérieur? Une balayette. Une balayette. Ouais. Je n'ai pas acheté de balayette, moi. Mais non. Donc, j'appelle ma femme a commandé une balayette. J'appelle ma femme. Normalement, je lui dis: Diane, as-tu commandé une balayette? Elle me dit: absolument pas. Je vois ma belle-mère, parce que ma belle-mère est là depuis une semaine chez moi. Je vois ma belle-mère qui débarque chez moi. On a l'impression qu'elle est chez toi depuis 8 ans. Ça fait très longtemps, là. Elle part demain. Je suis très content. Pardon, tu m'avais pas posé la question? Non. Elle part demain. Ma belle-mère arrive, elle me dit: oh cool, t'as reçu ma balayette. C'est-à-dire qu'elle m'a commandé un colis pour elle chez moi à mon nom pour que je fasse la queue. Pour que je fasse la queue pour une putain de balayette pour chez elle, parce qu'ils sont en train d'acheter un nouvel appartement et comme ils n'ont pas encore tous les trucs, elle fait livrer chez moi. Elle se sert de moi, elle me pousse à bout. Tu vois, quand je t'ai dit qu'elle allait trop loin. Je vois deux choses. Oui. Une chose un peu relou et une chose plutôt pas mal. Ouais. Vas-y. Dans cette histoire. Parce qu'il faut toujours voir le côté positif là-dedans. Je le vois pas. Le côté négatif, j'ai compris. La meuf, c'est carrément. En fait, elle se fait livrer des choses. C'est pas bien. Chez toi en t'utilisant. Oui. Vraiment, non, c'est pas bien. Et moi, non, mais là, je suis d'accord avec toi. Là, ça va trop loin. Pas sa fille, moi. Oui, j'ai compris. C'est improbable. Oui. Ça va trop loin, je suis d'accord avec toi. Oui. Après, ne deviens pas serial killer parce que c'est pas bien. Non. Maintenant, le côté positif que je retiens là-dedans, c'est qu'elle achète un appartement. Oui. Donc, elle a un appartement. Oui. Cette dame, un jour, va disparaître et qui est-ce qui va hériter? Non, là, tu vas trop loin. C'est ça le côté positif. Hey. Mais non. Je veux juste qu'elle arrête de l'utiliser. C'était juste une petite balayette quand même. Oui. Pas... Et puis l'autre côté positif, c'est qu'elle a pas utilisé ta carte bleue, quoi. Elle a utilisé la sienne. Pour parler sérieux, c'est abusé quoi l'histoire. L'histoire est abusée. C'est pas bien. Vous pensez pas au vrai côté positif? Si elle se permet de faire ça, c'est qu'elle considère vraiment Nico comme de sa famille. Trop en confiance. Considérer quelqu'un de sa famille, c'est en fait lui faire faire des trucs. Ouais. Ok Paulette. Je suis tellement content de pas être ton frère. Allez, 6h09, les concours du jour arrivent dans 3 minutes sur Energy, juste après Calvin Harris. Bienvenue. Are you drunk or not? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. the things that I do. I'm here now. Energy's taking control. I'm speeding up. My heart is dancing alone. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. 6h12. Bon réveil sur Énergie, comme chaque matin, on est là avec vous, on va s'écouter le dernier DJ Snake, ça arrive pour vous dans 3 minutes, mais avant ça, comme chaque matin. Voici des gens improbables qui font les choses improbables, on a appelé ça les concours du jour. Ouais. Aujourd'hui, 3 histoires courtes, dont 2 avec de la bière. Ah, allez. Ok. Bon. On démarre aux États-Unis. Une dame a tiré dans la jambe de son petit-fils. Alors, son petit-fils adulte, d'accord ? Ouais. Donc c'est la grand-mère qui lui a tiré dans la jambe. Pourquoi ? Parce qu'elle en a pété les plombs, elle en avait marre que chez elle, son petit-fils mette sa tasse directement sur la table basse sans mettre un truc en dessous. Oh là là. Et ça fait les traces. Voilà pourquoi la nana lui a tiré dans la jambe. Bah, on ne tue pas les gens, mais en même temps, il y a des sous-box, c'est fait pour, quoi. Non mais c'est vrai. Si elle lui dit une fois, deux fois, faut le faire. Nico, il y a 3 minutes, tu nous as dit que t'en pouvais plus de ta belle-mère. Attention. Oui, mais c'est pas la même chose. Il y a un moment, je suis en train de me demander si c'est pas toi le casse-couille. La nana, quand même, elle risque 7 ans de prison. Bah oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Oh là là. Toujours aux États-Unis, une panne de courant a lieu dans une prison et 4 détenus en profitent pour s'évader. Ouais. Et ils reviennent d'eux-mêmes une heure plus tard. Ah. En fait, ils ont juste profité pour aller faire des courses à l'extérieur pour s'acheter les bières. Mais non. Et ils se sont dit, on va revenir une heure après, bah ils nous en voudront pas. Ouais. Alors si c'est considéré comme une évasion, ils vont être jugés pour ça dans quelques semaines. Oui, c'est considéré comme une évasion, c'est une sorte de fugue. Mais bon, on n'a pas le droit, hein. Du coup ils seront quand même jugés. Hein. Exactement. Ouais. Une brasserie polonaise veut tenter de lancer une nouvelle bière sur le marché. Écoutez bien, la bière goût tralala. Quoi? Le tralala, ce que j'appelle le tralala, c'est le mais non. Le pubis des filles. Ouais, hein. Mais pourquoi? Ah bon? Ils veulent lancer une bière goût tralala. Une bière brassée avec les bactéries du tralala de 2 top modèles. Mais non, ouais. Alors, pour lancer ça, cette brasserie polonaise a lancé une cagnotte. Ouais. Pas une personne n'a participé. Oh, bah tu m'étonnes. Ah, bah, ah, moi je trouve ça vraiment étonnant. Ouais. Allez, 6h14, on revient tout de suite. DJ Snake le nouveau. Ça arrive dans 3 minutes sur Energy. Manu dans le 6-9. Manu revient parmi ses ouin. Sur Energy. It's been 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah, yeah, yeah.

enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Sur Énergie, 6h21. On va s'écouter Dinoro, ça arrive pour vous. Les sondages du matin, c'est dans une petite vingtaine de minutes. On a le temps. On a le temps de se préparer. Okay. Et surtout, on a le temps de dire à des gens qu'on aime que peut-être il y a deux ou trois trucs quand même qui nous emmerdent. Ouais. Le principe, vous prenez quelqu'un, qui vous voulez, vous dites je t'aime et vous rajoutez mais. Et on y va. Allez, c'est parti, Nico. Diane, c'est ma femme. Je t'aime, mais arrête de saler les plats avant de les goûter. Ça me... c'est vexant, c'est vexant. Ça me saoule. Je fais à manger, elle le goûte pas, donc elle estime qu'il doit pas être bon à son goût. Et souvent, je suis désolé pour c'est ta femme, je sais. Souvent quand tu dis oui mais je sais. Ouais mais non, tu sais pas. Tu sais pas. T'as pas goûté, ça se fait pas. Oui mais je mange très salé. Mais quand même. Mais la prochaine fois, sale déjà énormément un plat. Ça lui donnera une bonne leçon. Bah non, c'est mon plat aussi. Pas du tout. Mais fais-lui une petite portion. Très salé. Ouais mais je l'aime. Ouais mais non, vas-y, donne-lui une leçon. Qu'est-ce qu'il a glandu? Tu sens le mec célibataire qui veut que tous ses potes soient célibataires. Et dis-lui que tu la quittes. Mais ok, glandu, on va sortir samedi soir, mais sois pas énervé comme ça. Une bonne leçon. Camille, bonjour. Oui, bonjour, salut Manu, salut Laura. Bienvenue sur Énergie, Camille. À qui tu veux dire je t'aime, mais... À ma mamie. À ta mamie, écoute, Mamie, je t'aime, mais arrête de m'appeler en faisant semblant que t'es au bord de la mort, alors qu'en fait, t'as juste un petit rhume. Ah, ah oui, mais souvent les mamies et les papis, c'est ça, c'est pour en fait que se faire dorloter pour que tu ailles la voir. Je pense que ta mamie veut simplement que tu ailles plus la voir, Camille. Ouais. Exactement, ouais. Bah, faut y aller. Oui, mais donc faut y aller, c'est ça. C'est ça que je veux te dire, Camille. Ouais. Okay. Oui, je vais quand même beaucoup la voir. Hein. Je l'appelle souvent, je prends beaucoup de nouvelles, mais à chaque fois ça va jamais, il y a toujours quelque chose. Ce qui définit bien Camille, c'est l'empathie. Oui, envers les gens, tu vois. Et Camille, en fait, elle aurait voulu qu'on fasse plutôt la phrase sans le je t'aime avant. Démarrer directement. Mamie, mais. Merci quand même de nous avoir appelé, Camille. Hein. Je pense que t'en avais lourd sur la patate. On continue, glandu. Paulette. Ah oui. Non, Paulette, je t'aime, mais rends-moi mes stylos, putain. Quel stylo? Elle arrête pas, elle me prend tous les jours des stylos, j'ai l'impression qu'elle les mange, quoi. Tous les jours, elle me prend un stylo, il disparaît. Paulette? Je n'ai aucune défense parce que je pense qu'ils disparaissent. C'est Nico. C'est Nico, il a c'est nul de faire ça. C'est ça, ta meilleure défense, c'est d'accuser quelqu'un d'autre. La défense nulle. Mais je comprends pas. Ils arrivent par la gauche. Paulette, elle grille un feu rouge. Elle se fait arrêter par la police. Elle dit c'est pas moi, c'est le chien. C'est ça. Très bien. Twitter, hashtag Manu dans le 6-9. Il y a Guillaume qui dit maman, je t'aime, mais arrête de m'envoyer des invitations à des jeux Facebook. Parce que ta maman vit en 2004. Ouais, c'est ça. Cindy, bonjour. Salut Manu, salut les mamans. Bienvenue sur Énergie, Cindy. Merci. À qui tu veux dire que tu l'aimes, mais quand même, il y a un petit souci. Alors, moi, c'est à mon collègue de bureau, Julien. Donc, Julien, je t'aime, mais arrête de débrancher ma souris d'ordinateur. Et ça fonctionne qu'une fois. Ouais, en fait, il s'amuse à débrancher donc, la souris d'ordinateur. Et donc, du coup, toi, t'arrives à ton bureau et t'as plus de souris. Ah ouais. Il te fait toujours la même blague. Voilà. Alors parfois ça peut être l'écran qui est retourné, ça arrive parfois. C'est drôle ça. Ce que j'allais dire, il y a plein d'autres blagues à faire. Il y a l'écran à l'envers, il y a le mail envoyé au patron. Cindy, vous cherchez quelqu'un dans votre boulot ou pas? Parce que j'ai glandu sinon. J'en ai plein. Quel air chamouillant. Merci de nous avoir appelé. Je t'aime, mais. Paulette. Mamie, je t'aime, mais arrête de vouloir me mettre en couple avec ton pharmacien. J'en peux plus. Il a 60 ans et c'est ton fantasme à toi, donc garde-le. Ok. Mais qu'est-ce que vous avez contre les mamies aujourd'hui? Sur Twitter, il y a Sandrine qui dit « Alexis, mon collègue, je t'aime, mais arrête de me parler toujours très près du nez. » Ah oui, c'est gênant. On les connaît, ces gens-là qui... Oui, c'est le mot, c'est gênant. Mais c'est mieux de le dire sur Twitter qu'en face devant tout le monde. Oui, effectivement. Puis en face, tu peux pas lui parler, tu vas dire, parce qu'il est déjà près de ton nez, donc c'est trop complexe. 6h25. On revient dans 3 minutes avec les infos. On va s'écouter Dinoro et Gigi D'Agostino et les sondages du matin arrivent aussi. A tout de suite. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. Énergie. Faux stars préférées reviennent tout à calme. Hello everybody.

plus elle ce matin d'aujourd'hui en France. Elle veut mettre fin à cette discrimination. Même chose pour le mariage, dont certaines personnes handicapées sont exclues. À l'étranger maintenant, pas de revendication aux États-Unis pour l'instant. Hier, des personnalités politiques, de l'opposition, mais aussi des journalistes ont reçu des colis suspects, des paquets contenant des engins ressemblant à des bombes. Barack Obama ou encore Hillary Clinton ont été pris pour cible. 3 nuls en 3 matchs, pas de victoire, mais pas de défaite. Donc cette semaine en Ligue des Champions pour les clubs français. Hier, Monaco a ramené un bon point de Belgique, un partout pour les Monégasques à Bruges. Le PSG, lui, s'est fait très peur en égalisant à 2 partout à la dernière minute face à Naples au Parc des Princes. La qualif s'annonce donc très compliquée. On retrouve l'Europa League ce soir avec notamment Marseille et Lazio de Rome au stade Vélodrome à 21h. Il prolonge le plaisir après le carton d'Addiction, sacré disque de platine. Namir se prépare à dévoiler une réédition attendue le 9 novembre. On y retrouvera son dernier single, Longtemps, mais aussi un tas d'inédits. Le chanteur s'est totalement lâché et s'est autorisé quelques expérimentations dans son style musical. Et je voudrais que ça dure longtemps. On a fait une réédition folle avec 14 nouvelles chansons, ce qui fait qu'en tout, il va y avoir 29 chansons. On a tapé dans plein d'univers. Il y a du tropical, il y a de l'oriental, il y a du grec, des ballades rock puissantes à l'américaine. Il y a tellement de styles musicaux, évidemment poussé par le morceau Longtemps, le premier morceau de la réédition. J'ai toujours rêvé d'avoir ma balade, ma chanson d'amour, un truc tranquille, posé, chanté en guitare-voix. J'étais sur scène et tout le monde a allumé son téléphone et a chanté en chœur avec moi alors que le morceau a même pas 2 mois. C'est le moment émouvant qui clôture le concert et j'espère que ça durera longtemps. Voilà, interview signée Sébastien Loff-Lecoq. La réédition d'Addiction dispo dès le 9 novembre à la veille des 20e Energy Music Awards. Amir est nommé parmi les artistes masculins francophones de l'année. Les votes continuent sur energy.fr ce matin. On est jeudi 25 octobre, c'est Manu dans le 6-9 qui continue. Très bonne journée. On est avec vous pour démarrer cette journée, c'est jeudi, c'est le 25 octobre aujourd'hui et dans même pas 10 minutes, les sondages du matin arrivent. Oui. Ouais. 6% des gens le font systématiquement au restaurant. C'est pas beaucoup 6%. Uh-huh. Qu'est-ce qu'ils font systématiquement au restaurant? Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un le faire. Ah ouais? Mais pourtant, beaucoup de gens le font. Ok. Tu nous mets l'eau à la bouche là, Manu. Tant mieux. La réponse à la question, c'est dans les sondages du matin qui arrive juste après Dinoro. Avant ça, quelques infos. Ouais. Une info foot. Je ne vais pas parler du PSG. Je vais parler d'une équipe que vous ne connaissez pas. Mm-hmm. Okay. Qui est une équipe de foot féminine. De foot féminine, ouais. De Nantes. Ouais. Cette équipe fait un peu le buzz pour une raison très simple. Elle a marqué en 3 matchs 95 buts. Oh, mais non. Oui. Sur les 3 derniers matchs, 24-1. Ouf. 31-0. Ouais. Et 41-0. Putain. En 3 matchs, 95 buts. T'arrives pour jouer face à elle, tu te dis je vais essayer qu'ils mettent le moins de buts possible, quoi. Tu t'essayes même pas de gagner face à elle. Ah, ben non, gagner, ouais. Non, c'est impossible. Déjà, t'essayes de marquer un but. Ouais, c'est déjà le truc improbable. Mais ça, on dirait quand tu joues contre ton petit cousin à la console, quoi. C'est ouais. Ça. C'est hyper humiliant, en fait. Ah, mais même à la console, t'as pas le temps de faire 41-0. Non, non, non. Alors, le problème est tellement grave qu'en fait, ils ont dû les retirer du championnat pour arrêter d'écraser les autres. Mais non. Oui. C'est dingue. Oh. Ils ont retiré l'équipe du championnat. Bah alors. Je trouve ça bizarre parce que la question c'est est-ce qu'il aurait pas fallu plutôt retirer du championnat celles qui sont incapables d'arrêter 95 buts. Bah ouais, c'est ça, quoi. Ça, ouais. Bizarre cette histoire. Mais bon. Ouais. Wow. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, j'ai une info, Léonard de Vinci. Ah. Des chercheurs l'ont révélé hier. On sait d'où vient le génie de Léonard de Vinci. Ah. Alors allez. Léonard de Vinci, je vous le rappelle, c'est la Joconde. Léonard de Vinci, c'est beaucoup de choses. L'hélicoptère, l'invention de l'hélicoptère, c'est Léonard de Vinci. Ouais, parce qu'il a pas peint tant que ça, en fait. Hein. C'était un peu un flemmard. Il a peint genre une dizaine de toiles, je crois. Ah bon? Ouais. Oh. Enfin, il a fait les parkings, Vinci, quand même. Ah, donc, c'est vrai. Non, non. On sait d'où vient le génie de Léonard de Vinci. Ouais. Il avait, selon 2 peintures, 2 sculptures et 2 dessins, un problème aux yeux, un strabisme. Ah oui ? Et donc, d'après les chercheurs, ouais. Ce strabisme lui donnait la capacité de passer en vision monoculaire, ce qui peut avoir pour effet d'augmenter le champ de vision et la perception de la profondeur. Waouh! Ah ouais? Wow. C'est dingue! Quelqu'un a vraiment compris là? C'est compliqué apparemment. Moi non, je pense que moi le strabisme c'est dans mon cerveau en fait. Bon, c'est quoi? Parlons popo plutôt. Ah. Allez. J'ai une info, les scientifiques disent que pour la première fois ils ont découvert des microplastiques potentiellement toxiques dans le popo des gens. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu manges globalement du plastique. Mais oui! Voilà! Et ils ont fait des analyses de popo. ils ont découvert des microplastiques potentiellement toxiques dedans. Oh là. En même temps, ils ont découvert aussi le pire emploi de la science. C'est clair. 6h36 dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent juste après Dinoro sur Énergie. Sur Énergie, 6h39, on va s'écouter Soprano. Ça arrive dans 2 minutes, juste après les sondages du matin, comme chaque jour. Yes. Ouais. 6% des gens le font systématiquement en restaurant. C'est pas beaucoup, ouais. Et c'est improbable. J'avoue que moi, j'ai jamais vu des gens le faire. Ah ouais? D'après vous, de quoi il s'agit? Renvoyer le plat parce que c'est pas bon. Bah non, ça c'est. C'est plus que 6% des gens, c'est ça. Ah oui? C'est piquer un truc ou pas du tout? Non, c'est pas. Non, ah. Rien, c'est rien volé. Lécher son assiette? Non, c'est pas ça. Demander à voir les cuisines. Vérifier que c'est bien propre. Oh là là, non. Mais c'est un truc que tu fais à table? Alors oui, tu le fais à table. Ouais. Tu le fais quand t'arrives. Et tu le fais tout seul? Tu demandes quelque chose à quelqu'un ou pas? Non, t'as besoin de personne. Et c'est mal élevé, ça se fait pas. Hein. Bah, je trouve ça bizarre, moi. Ah ouais. Ouais. Se coiffer? Se coiffer? Mettre ses jambes sur la table? Non, 6% des gens, ça me ferait rire. T'as des bonnes idées glandules dessus, quand même. 6% des gens, systématiquement, au restaurant, enlèvent leurs chaussures. Waouh! Bah ouais. Ah ouais? D'accord. Je trouve ça bizarre. Bah, t'es un peu trop à l'aise, quoi. Bah, c'est un premier rendez-vous, tu vois. T'es un peu comme à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. C'est ça que si le mec en plus revient en caleçon, et tu vois. 12% des hommes le font eux-mêmes. Alors que c'est quelque chose, normalement, que quelqu'un d'autre nous fait. C'est un truc de bricolage ou pas du tout? Rien à voir. Non. C'est un endroit normalement où on va? Non. C'est un endroit où on se rend pour le faire? Pas du tout. Oui, pour le faire, oui. Oui. Ah. 12% des hommes le font eux-mêmes, alors que normalement on doit aller quelque part pour le faire, oui. C'est lié à la voiture? Non. Au corps humain, c'est lié oui, au corps? Oui, c'est lié au corps humain. Oh. C'est pas médical, genre un truc de dentiste ou tu vois? Non, c'est pas médical, mais c'est dans l'univers. Ah. Il se rase les cheveux avec une tondeuse? C'est quasiment ça, c'est se coupe les cheveux. Ouais. Ah. 12% des hommes se coupent eux-mêmes les cheveux. Ouais. Ah ouais. C'est chaud quand même, ouais. Hein. Ah oui. C'est quand t'es chauve, t'as moins de risques, du coup, voilà, de te louper, quoi. Ouais. Tu vois, quand tu dois juste repasser un coup de rasoir, c'est quand même plus sympa. Effectivement, que... bah, quand t'es chauve, du coup, tu te coupes pas les cheveux. Non, mais quand juste un petit coup de rasoir, tu vois, t'as les cheveux, t'as si, t'as un petit peu de repousse. Bah oui, les chauves se coupent les cheveux. Bah oui, moi j'ai un pote chauve où parfois t'as des petits poils qui repoussent, etc. Bah c'est pas un vrai chauve, c'est un faux chauve. Un vrai chauve, il a rien qui pousse. La triche. Ah oui, non, t'es pas chauve. Non, il a pas sa carte de chauve, ton pote. D'accord. On le ferait en moyenne une fois durant un premier rendez-vous. Une fois en moyenne durant un premier rendez-vous, c'est quoi? C'est homme et femme confondus? Oui. Penser à son ex? Non. Penser à un potentiel rapport sexuel? Non, mais c'est, effectivement, c'est quelque chose dans la tête. Ça se passe dans la tête. Imaginez l'autre nu? Non. Non, on le ferait au moins une fois un premier rendez-vous. C'est positif ou négatif? Plutôt négatif. Ouais. Penser du mal de la personne en face? Non. Avoir envie de partir? C'est quasiment ça. C'est tout simplement s'ennuyer. On le ferait en moyenne une fois durant un premier rendez-vous, s'ennuyer. Il y a forcément un sujet, ça nous parle moins, mais c'est le premier rendez-vous, du coup on écoute par politesse. Et puis pour pas faire genre, ça nous intéresse pas, quoi. Si ça passionne la personne en face, les maquettes d'avions. Et que toi t'as envie de la personne en face, tu vas adorer les maquettes d'avions. Mais effectivement, il vaut mieux que ça reste dans votre tête. Regardez pas la personne, ils ont je m'ennuie. Ouais. 6h42 Soprano sur NRJ, tout de suite, et les sondages du matin, évidemment, ils reviennent demain à la même heure. On est jeudi, soyez les bienvenus, on démarre cette journée ensemble, c'est Manu dans le 6-9, on double votre salaire à 7h05. Bon réveil, merci d'être là. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tend toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué, mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, la. Sur NRJ, il est 6h45 à 7h05. C'est peut-être vous qu'on va appeler en direct pour doubler votre salaire. Oui. Vous vous inscrivez sur NRJ.fr ou malu69.com. Il y a l'application aussi, malu69, qui vous permet de vous inscrire. Et vous pouvez, grâce à cette application aussi, nous envoyer des messages vocaux. Ouais. Écoutez bien celui-là. Et Manu, et tu descends. Et pourquoi faire? Bon, je rigole un petit peu avec ton prénom, Manu. Je sais pas si on s'est déjà moqué un petit peu du tien, mais moi, je m'appelle Jessica. Et durant toutes mes années de scolarité, on m'appelait Jessica K. C'est super, hein, c'est très valorisant. J'aurais préféré qu'on m'appelle Jessica Alba, mais bon, visiblement, ça m'allait un petit peu moins bien. Tant pis pour moi. C'est dur, c'est dur. Mais c'est dur, Jessica, déjà, de te dire toi. Ouais, mais c'est vrai que Jessica K, ça me va mieux. C'est dur. J'aimerais qu'on en parle. Ouais. Pas de Jessica K, forcément, mais des problèmes avec les prénoms, voire les noms de famille. Ah ouais. Si vous avez un nom de famille qui est compliqué à porter, tout le monde vous vannez, vous avez des jeunes mots. Voilà, moi, le Manu, tu descends, c'est un sketch des Inconnus qui date des années 90. Ouais, ça, mais ça n'arrête jamais. Ça te poursuit. Manu, tu descends, mais je n'en peux plus. Je le dis vraiment, n'en peux plus. Si je croise les Inconnus un jour, je peux faire la boulette. Est-ce que vous aussi, vous avez des trucs comme ça avec vos prénoms, vos noms, Nico? Ah, c'était au lycée, moi. J'avais un prof qui s'appelait Monsieur Oura. Et du coup, en chaque début et fin de secours, je lançais un petit hip-hip-hip. Et toute la classe disait « Hourra !» Oh, c'est pas mal. Ouais, lui, ça me faisait marrer, mais au bout de la fin de l'année, ça commence à être un peu saoulant. Je comprends. Surtout si toutes les classes lui faisaient pareil. Quand tu t'appelles Hourra à un moment, tu le cherches, un autre prof. Hein. Je suis désolé. Hein. Isabelle? Ah, moi, on m'appelait Isabelle la poubelle. Parce que ça rime. Bah voilà. Alors c'est vrai que le truc c'est que ça rime aussi avec belle, mais non. Mais non, c'est c'est bizarre, hein, Manu. Non, on prend pas les bonnes rimes. Amélie, bonjour. Bonjour, salut Manu, salut les moments. Oula, on t'entend très mal, Amélie. Vas-y, on t'écoute. Ça va mieux, ça? Ça va, lève la main en l'air, ça fait antenne. Vas-y. Alors moi, mon nom de famille, c'est Lagrange. On m'a vanné de la maternelle au collège, et même les profs s'y mettaient, c'est-à-dire qu'on me disait Amélie, quand j'étais trop pipelette, Amélie Lagrange, la ferme. Lagrange, la ferme. Lagrange, la ferme. Lagrange, la ferme, effectivement. Courage, Amélie. Vos histoires de nom de famille ou de prénom, les petites blagounettes, Paulette? J'ai un ex qui s'appelle Hassan. Et quand on allait chez mon père, mon père lui disait bah alors, t'es venu en train à SNCF? C'était hyper gênant. Je suis pas restée longtemps avec lui. Avec ton père, tu veux dire? Ah, parce que les blagues de papa, là, faut pas décoller. Ouais, c'est ça. Pierre, bonjour. Ouais, salut Manu, salut les ouais. Bienvenue sur Allergie. Pierre. Oui. Ouais, merci. Moi à chaque fois, c'est Caillou Rocher qui m'appelle et en plus ils sont persuadés que c'est les premiers à me faire la blague. Ah parce que tu t'appelles Pierre, eh oui. Ah ouais. Eh oui. Alors, je te comprends tellement, Pierre. C'est comme le Manu, tu descends tout à l'heure, c'est que les gens quand ils te le font, mais ils sont sûrs que personne n'a jamais fait la blague avant. Oui. Et Manu, tu descends, et tu te rappelles le sketch? Oui, je me rappelle. Et Pierre Caillou Rocher. Pierre fait ciseaux. Ah, c'est dur. 6h48, merci de nous avoir appelé, Pierre. Belle journée à toi. Pas de rien. Soyez les bienvenus sur NRJ à 7h05, on double votre salaire et tout de suite c'est le dernier Georges Ezra, c'est Shotgun sur NRJ. Bon réveil. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Gotta hit the road. Deep sea diving round the clock. Bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a someone. We got two in the front, two in the back. Sailing along and we don't look back. you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Bon réveil sur Énergie, 6h51 à 7h05, on va doubler votre salaire. On va s'écouter Jane dans 2 minutes. Aujourd'hui, on est le 25 octobre, on a 2 journées mondiales. C'est quoi ? Première, la journée mondiale de la betterave. Voilà, bonne fête à l'aliment que tu ne manges qu'à la cantine et plus jamais après de ta vie. En même temps, c'est trop louche, quoi. Un légume qui est sucré, tu dis, mec, tu sais pas où... Soit un fruit, soit pas un légume, c'est chiant la betterave. Ouais, mais ça tâche. Ne jugeons pas la betterave. Ah ouais. Ah, ne la jugeons pas, parce que c'est pas de sa faute. Tout simplement. Un jour, j'ai voulu faire la super maman en achetant une betterave et j'ai beaucoup regretté. Ça doit cuire 4 heures ce truc. Parce que j'ai acheté la vraie, quoi là. Tu vois, celle qui vient de pousser. Oh, mais un truc de dingue. Je me suis pourri un week-end à cause d'une betterave. Hein. Non vraiment. Hein. Comment dire, Isabelle. Oui, Manu, oui. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que tu proposes tes services à une émission qui s'appelle La Quotidienne sur France 5. Mais attends, Ils sont géniaux, je la vois, c'est à midi. Je sais pas si vous connaissez. C'est génial, ils ont plein d'experts dans tout et ils parlent de trucs comme ça. C'est une petite tranche de vie, c'est tout. Mais exact, mais c'est génial. C'est vraiment, tu sais quoi ? Alors, moi, ta tranche de vie, je referme le sandwich. Autre journée mondiale aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans papier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est une vraie journée écolo qui théoriquement nous incite à ne pas utiliser de papier pendant 24 heures. Ne pas utiliser du tout de papier aujourd'hui. Papier d'emballage, on est d'accord. Oui, on passe pas. Oui, non, on non. est d'accord. Ouais. Okay. Non, non, pas le papier. Il faut être précis. Allez, bon courage, c'est que 24 heures. qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah ! Les bonnes soirées en amoureux. Ouais. Nico, t'es encore en couple. Isabelle, t'es encore en couple. Ouais. Écoutez bien, j'ai selon une étude française le top 3 des soirées en amoureux à faire. Si jamais vous avez besoin un peu de rallumer la flamme. Vas-y. Se lancer ensemble dans un projet créatif comme rénover un meuble ou repeindre les murs du salon. Pardon. C'est une étude. Ensuite, faire une soirée jeu de société. Cool. Et organiser son propre club de lecture. Donc soit se fixer un rendez-vous hebdomadaire pour échanger sur les chapitres qu'on a lus. Soit lire ensemble et discuter. Voilà. Je vais vous dire honnêtement, j'ai jamais été aussi content d'être célibataire que maintenant. Allez. 6h53, Jane sur Énergie. À 7h52, bon salaire. Soyez les bienvenus. C'est jeudi, on est le 25 octobre. On démarre cette journée tous ensemble. C'est Manu dans le 6-9. Nacho. Things gonna be tonight we won't give

réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement réclame des économies importantes. Ce sera difficile de trouver un compromis, évidemment, dans un contexte de légère hausse du nombre de demandeurs d'emploi en France. D'ailleurs, les chiffres pour le troisième trimestre seront dévoilés ce midi. Comme un poisson dans l'eau, c'est le nom de la nouvelle OP du Secours Populaire. Plus de 600 enfants issus de quartiers défavorisés peuvent apprendre à nager grâce au Secours Populaire. Donc, des cours, des initiations gratuites dans 44 piscines partout en France pendant ces vacances. C'est presque trop, le billet gagnant du plus gros jackpot de l'histoire de la loterie a été validé en Caroline du Sud aux États-Unis hier. L'identité de son détenteur n'est pas encore connue. En revanche, on sait combien il a remporté. 1,5 milliard de dollars, du jamais vu dans le monde entier. Le bilan de la semaine en Ligue des Champions de football, 3 nuls en 3 matchs pour les clubs français. Après Lyon mardi, Monaco et Paris n'ont pas réussi à s'imposer à leur tour hier. 1 partout pour les Monégasques à Bruges en Belgique. 2-2 pour le PSG qui a égalisé dans les arrêts de jeu contre Naples au Parc des Princes. La qualif s'annonce très compliquée pour les deux. Place à l'Europa League ce soir avec notamment Marseille, Lazio de Rome au stade Vélodrome. Ils sont tous nommés aux Energy Music Awards cette année. Des nouvelles de 3 artistes aujourd'hui. Pink tout d'abord, il n'aura fallu que 5 petites minutes hier pour écouler les 38 000 billets de son concert à Paris à la Défense Arena. Un show programmé en juillet prochain, pas d'autres dates annoncées pour le moment. Calvin Harris maintenant, le DJ sortira un nouveau single la semaine prochaine et il pourrait chanter dessus selon les rumeurs. Le producteur Benny Blanco, connu pour son travail avec Britney Spears et Katy Perry, a bossé sur le morceau. Enfin Aurel San, une réédition de Revoir le jour dans quelques semaines, réédition de son album La fête est finie, sorti il y a un petit peu plus d'un an. On n'a pas encore de date pour l'instant. 7h02, c'est la fin de ce flash, jeudi 25 octobre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Vous retrouvez Manu dans 6-9 et nous, on se donne rendez-vous dans une petite demi-heure. Bonne journée. C'est nous. Et bonjour. Il est 7h03, ça veut dire que dans quelques secondes, c'est peut-être vous qu'on va appeler en direct pour doubler votre salaire. Pour la première fois de la matinée, il suffit de vous inscrire sur energie.fr ou sur manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. Yes. Tous les moments du matin sont là, comme chaque jour évidemment. Il y a Isabelle. Salut. Paulette est là aussi. Hello. Il y a Glandu. Feu. Il y a Nico. Ouais. L'application manudansle69 dont je viens de parler, elle vous sert aussi à nous envoyer des messages vocaux. Ouais. N'hésitez pas, pendant l'émission, vous réagissez en direct. Pendant la journée, quand vous avez une idée, bah, vous pouvez y aller. On les écoute tous et on les partage avec vous pendant l'émission. Allez, on s'en écoute quelques-uns. Moi, je connais quelqu'un qui, un jour, il était en cours et son téléphone a sonné. Il a dit « C'est une urgence, j'arrive, j'arrive ». Il s'est levé, il a arraché tous ses vêtements et dessous, il avait le déguisement de Superman et il a sauté par la fenêtre. Oh mais non. C'est génial. Ouais. Bah, j'espère qu'il n'était pas en salle 804, celle du 8e étage. Non, la vie de Superman a été assez courte. Hein, un autre message. Oui, Manu, je voudrais juste revenir sur ce que tu avais dit hier là, sur le YouPorn écologique. Je pense que c'est une excellente idée, c'est une bonne chose. Il faut qu'on se mobilise tous. Parce que si on se fait du bien, on fait du bien à la planète. Oui. Donc il faut se mobiliser, il faut qu'on trouve quelque chose pour signer une pétition ou quoi. Parce que c'est une excellente idée. Vive le YouPorn écologique. Vive le YouPorn écologique. Vive le YouPorn écologique. Alors en fait c'est une idée que j'avais eue, mais parce qu'on avait parlé d'un site, ouais, où à chaque fois que tu faisais quelque chose, ça en fait tu faisais pousser les arbres. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc j'avais dit mais il faut faire ça avec les sites porno. Bah, oui. Non mais c'est vrai, créer un site X, ouais, où à chaque fois que tu regardes une vidéo, ça, je sais pas de quel moyen, ça permet de planter un arbre, ouais, ça permet, ouais, de faire quelque chose pour la planète. Un impact. Mmh. Et mais parce qu'il faut pas se leurrer, hein, 95% du trafic internet, c'est les sites X. Et les 5 autres pourcents, c'est les gens qui ont mal tapé l'adresse. Donc, ouais. Donc je pense que là, on tient un vrai truc, quoi. Ouais. Je mets vraiment. Et l'auditeur qui nous a appelé là, a envie de planter beaucoup d'arbres, après. Oui, non, il est limite devenu vegan. Hein. C'est ça. Il le fait comprendre. Allez, 7h05, on double votre salaire avant de s'écouter The Prince Karma. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Attention, Sarah habite Nancy, elle a 31 ans et chaque mois son salaire c'est 1538 euros. Sarah, on t'appelle maintenant parce que ton salaire on va le doubler. Elle s'est inscrite sur énergie.fr, elle a eu raison. Attention. Il faut décrocher ton téléphone, Sarah. Ouais. J'aime pas quand ça met du temps, oh là là, ça me stresse. Allô ? C'est Sarah ? Oui. Pourquoi tu mets du temps à décrocher ton téléphone ? Ça me stresse. Ah bon ? Bah oui. Bah pardon. Bah je t'en prie. C'est Sarah de Nancy ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire, Sarah ? C'est Manu sur Énergie ! Eh oui ! Et Sarah, je te l'annonce, ton salaire, je vais le doubler. 1538 euros x 2, c'est 3076 euros pour toi. Boum. Oh, pouf, émotion. Comment? Émotion, on est quel jour? C'est un vrai coup de fil, je sais pas. C'est... alors, on est jeudi, c'est le 25 octobre, il est 7h06. Ah oui, d'accord, ok. Et... c'est bien réel en fait. Et oui, c'est bien réel. Oh là là, c'est génial. Franchement, j'ai le cœur qui bat. C'est une journée qui commence pas comme les autres. Je vais te dire un truc, Sarah. Le fait que tu aies le cœur qui bat, ça nous rassure, tu es vivante. Parce que s'il ne battait plus, tu ne pourrais même pas nous dire qu'il bat plus. Sarah, oh, c'est énorme. Je vais doubler ton salaire. 3076 euros. T'es orthophoniste. Oui, c'est ça, je suis orthophoniste. Orthophoniste, c'est un médecin pour nous apprendre parfois quand on zozote, quand on bégaye, quand on a des problèmes pour articuler. C'est toi qui nous aides. Oui, c'est la version connue de notre métier. C'est le truc qu'on connaît le plus sur les orthophonistes, mais c'est un métier en fait qui prend en charge tous les troubles du langage et de la communication. C'est un métier super intéressant. Et c'est pas chelou que le métier qui nous apprend à bien prononcer les mots soit si difficile à prononcer? Orthophoniste. Quand t'es enfant et que tu dois y aller, c'est galère. Nous allons chez l'orthophoniste. Et l'orthophoniste. Bon, ok, on va aller chez le dentiste. Glandu. Sarah, c'est quoi la phrase la plus difficile à prononcer? La phrase la plus dure à prononcer. Alors, j'en ai pas comme ça qui me viennent. Après, nous, ce qu'on aime bien faire travailler aux enfants pour l'articulation, c'est les virlangues. Vous connaissez les virlangues? Non, j'ai même pas compris le mot, moi. Donc, les quoi? Alors, c'est des phrases super dures à dire. D'ailleurs, même moi, j'ai un peu de mal à les dire, mais je vais essayer si tu veux. Vas-y. Alors, de mémoire, donnez-lui à minuit frécui, et si c'est 8 frécui, l'une nuit, donnez-lui frécui. Sarah, tu sais, si on se croise, on ira boire un verre plutôt. Et ce qu'on fera, c'est qu'on parlera pas de ton métier. On te double ton salaire, Sarah. 3076 euros. Bravo à toi, on t'embrasse fort. C'est énorme. Eh ben, je vous embrasse. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous écoute tous les matins. Vous êtes géniaux. Changez pas. Eh ben d'accord. C'est super. Eh ben merci à toi d'être là chaque jour avec nous. Il est 7h09, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire, energie.fr ou malu dans le 69.com. The Prince Karma sur Energy tout de suite. Bon réveil, merci d'être là. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Oh my God, I... so horny right now. I shouldn't have said that loud. I'm not, like, wearing any underwear, so... Later, bitches. Sur Énergie, il est 7h12. Georges arrive dans même pas 10 minutes. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. On l'adore. C'est comme Amazon, vous voyez, Alexa d'Amazon, toutes ces enceintes connectées. Ouais. Sauf que nous, il est con. on va pas se le mentir. Hein. Ouais. Nous, notre intelligence artificielle à nous, elle n'est pas comme les autres. Et elle va appeler dans un instant quelqu'un pour lui annoncer que tous ses travaux de rénovation vont démarrer demain. Sauf que, en fait, le mec n'a jamais demandé de travaux de rénovation. Ouais. Et ouais, Et je vous les ai annoncés, je vous dis qu'il était con. On va écouter Dadju, mais avant ça, j'ai les chiffres sur les hommes et l'amour. Alors, ah oui. Parce que vous nous voyez toujours comme en disant « Ouais, votre cerveau, il est dans le zizi et tout. » Non, oh, mais non. Nous ne sommes pas que ça, nous sommes aussi des gens qui avec un cœur. Ah. Écoutez bien ces chiffres. 23% des hommes croient en l'âme sœur. Ah ouais, c'est bien quand même, déjà. Ah ouais, 23%. Bah, pas non plus énorme. C'est ça. Mais on va pas non plus se mentir. Contentons-nous des 23%. Okay. 89% des hommes aiment les gestes romantiques. Ah bon? Ah. Ouais. Alors... Mais vous avez un petit cœur qui bat, on le sait que vous êtes comme ça. 18% des hommes croient au coup de foudre. Ouais. Grave. Non, vrai coup de foudre, sur la gueule, le truc. 49% des hommes mariés ont un jour regretté leur célibat. Ah ouais, là, mince. C'est moins rigolo. Ah là. Bah ouais. Non, ouais. Un homme sur deux a regretté son célibat. Oh non, c'est ouais. Mais après, quand t'es célibataire, t'as envie d'être en couple. C'est un peu un cercle vicieux, quoi. Alors là, moi, je suis célibataire depuis quelques mois. Ouais. Ça va. D'accord. Non, si on doit. Non, mais ouais. Je pense qu'à un moment, voilà, j'aurais envie. Oui. Ouais. Mais là, ça va. Là, ça va. Tu là, franchement. Ouais. C'est parce que là, tu rattrapes tous les jeux vidéo que t'avais pas fini, mais quand t'auras tout fini, Manu. Tu sais pas à quel point. Le problème, c'est que les jeux vidéo, il en sort tout le temps. Oh. Des chiffres sur les hommes et l'amour. 35% des hommes seraient prêts à se marier contre de l'argent. Oh non. Ah, ça, c'est moche. Ça. C'est énorme le chiffre, quand même. Hein. Non, le chiffre d'argent, non, je sais pas. C'est beaucoup, ouais, 35% des hommes. Un homme sur deux ne peut pas pardonner une infidélité. Ouais. Moi, alors, je comprends, hein, ça, c'est dur de revenir après. Et puis, on se dit que ça va se reproduire, quoi, si jamais on pardonne, quoi. En plus. Mais ça, comme dans les deux sens, quoi. Ouais, puis vous vous comparez, non? Vous demandez si c'était mieux avec l'autre. Quand il a été infidèle? Quand la femme a été infidèle. Alors, excuse-moi, mais alors si j'apprends qu'elle a été infidèle, je vais pas lui demander, mais alors comment ça avec l'autre? Non, je t'assure que non, pour l'instant. Ah ben non, on fait ça, hein. Moi, je fais ça. Quand le mec a été infidèle, je veux savoir pourquoi il est parti. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'elle avait de mieux que moi. D'accord. Ah ouais. Alors que moi, ma femme, je sais que mes affaires m'attendent devant la porte de la maison. J'ai plus le droit de rentrer. Hein. Allez, elle pose pas de questions. Hein. 9% des hommes adorent la Saint-Valentin, 11% détestent ça, et 80% des hommes disent « Je ne me prononce pas ». Ils se mouillent pas. C'est nous, les coucouilles. Allez, 7h15, on va revenir tout de suite sur Énergie. Avec Dadju. Et Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, va appeler quelqu'un pour lui annoncer que les travaux dans sa maison démarrent demain. Sauf qu'il a jamais demandé de travaux. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Eh oui, c'est Manu. Sur Énergie. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas. Y no la puedo controlar. Creo que mi cintura vamos a la playa para así practicar. Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí, como la del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Salut, c'est Jérémy Frérot. Ceci n'est pas un au revoir. S'il y a une personne à qui je dois toute ma carrière, c'est bien Manu. Il m'a donné énormément de conseils et je n'en ai suivi aucun. Merci Manu. Je t'en prie. Vous savez, moi, dès que je peux dire de la merde. Jérémy Frérot, on va s'écouter le nouveau s'appelle Se Revoir. Tout de suite, c'est Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est de retour pour appeler quelqu'un et aujourd'hui lui annoncer que les travaux de rénovation de sa maison vont commencer demain. Ouais. Sauf que, évidemment, la personne en face, elle n'a pas de maison avec des travaux à faire. Ouais. Allô ? Bonjour. Bonjour. Ceci est un message automatique. Oui. Nous avons procédé à la validation du devis des travaux de votre domicile. La validation de devis pour les travaux de mon domicile. Vous êtes sûr que vous ne faites pas erreur ? Récapitulatif du devis. Pardon ? Abattre les murs de votre cuisine pour communiquer avec votre salon. 8000 euros. Mais j'ai jamais commandé de travaux à la cuisine. Choix validé. Alors attendez, je vous laisse parler. Donc je veux bien vous valider ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Les travaux débuteront demain à 7h30. Ah bah non, je vais pas confirmer ou pas confirmer un devis dont je n'ai même jamais entendu parler. À demain, bonne journée. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ah du tout, du tout, inéluctablement. Oh, wow. Wow. Mais c'est ah ouais. Oh, mais il bug sur du tout et là, d'un coup t'as un mot inéluctablement carré. Oh. C'est au revoir. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Il reviendra demain à la même heure. Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. On va s'écouter Dadju et juste après nous, on va parler des choses qu'on a abandonné un jour parce qu'on a compris qu'on n'était pas doué pour ça. Ouais. On s'est accroché. On y a cru. Oui. Et puis un jour on a fait bon. C'est pas pour moi. Juste après Dadju sur LRG. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot. Non. Lire sous ses paupières déterminée, elle agit, elle ne parle pas, y'en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Très bien comment gérer ça. sa vie charismatique. Magique. Elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Tout assumer. Sur Énergie, il est 7h23. Dans moins de 20 minutes, on va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Oui. Vous voulez jouer avec nous, vous voulez gagner la console de jeu de votre choix, et bien vous pouvez nous appeler au 0870 42 48. Avant ça, je vous ai demandé aussi de nous appeler pour qu'on parle ensemble des choses qu'on aimerait réussir à faire. Ouais. On aimerait vraiment. Et on a essayé, on s'est accroché. Et un moment, on a fait, putain, c'est pas pour moi, je suis pas doué pour ça, j'abandonne. Je vous en ai parlé hier, moi c'est la musique. Ouais. Ah ouais. C'est, je rêve de savoir faire de la guitare pour de vrai. Oui. Ouais. Je gratouille 4 accords comme quand j'avais 15 ans et que j'étais scout. Ouais. Je n'ai jamais réussi à évoluer plus loin. Oh. Et pourtant, j'ai regardé les tutos sur YouTube, j'ai acheté la guitare pour les nuls même. Ouais. Mais il y a un moment, quand t'arrives pas à progresser avec le livre La guitare pour les nuls, à part si on crée un bouquin qui s'appelle La guitare pour les mecs vraiment pas doués, archi nuls, je ne vois pas comment je vais pouvoir avancer. Ouais. Et donc, je me suis résigné, je me dis. Tant pis, je continuerai avec mes 4 accords de Santillano pour essayer de faire toutes les chansons. Et vous, à ce niveau-là, vous en êtes où, Nico? Il y a un truc aussi que j'ai arrêté, c'est de manger avec des baguettes. Ah. J'ai comme toi regardé des tutos, il y a aussi c'est le mode d'emploi parfois sur les baguettes et tout le truc. J'ai tout fait, je n'y arrive pas. Genre c'est pas pour moi quoi. J'arrive pas à faire bouger mes doigts, qu'ils fassent bouger les baguettes. À chaque fois je fais tomber les trucs. Alors, donc maintenant, fourchette quoi. Il y a la solution de s'en servir comme d'un javelot. Ouais. Que, tu prends les deux baguettes, tu les plantes dans le sushi. Ouais. Et tu manges. Ouais, ça marche. Ouais. Voilà. Mais je l'assume pas ça. Ça marche moins bien pour les soupes. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que vous aimeriez bien savoir faire? Vous avez mis du temps, vous êtes concentré pour le faire, puis à un moment vous avez fait. Non, j'abandonne, c'est pas pour moi. Moi, c'est les paquets cadeaux. J'ai tout donné. J'ai vraiment essayé des années. Et là, j'ai laissé tomber. Maintenant, je mets dans un sac plastique et je fais un joli nœud. Avec le sac plastique. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. La réaction des gens n'est pas non plus folle quand ils découvrent ça. Ouais. Mais oui, c'est mieux que rien, quoi. Alors, moi non plus, j'arrive pas à les papiers cadeaux, honnêtement. Ah. Non, vraiment. Mais alors, ce que je fais, c'est que, en fait, je me prends plus la tête, je plie le truc et j'essaie de garder une seule face pas trop moche. Et c'est celle-là que je montre. Ah, c'est pas bête, ça. Et voilà. Ouais. Ah ouais. Bah, je fais ce que je peux. Vous savez, les cocos, il y a des pochettes cadeaux. Les cocos. Oui, les petits cocos. Non, mais il y a des petites pochettes papier cadeau très jolies, très simples. Hop, tu refermes et puis c'est fini. Mais la pochette cadeau, quand t'achètes un truc plus gros que la pochette cadeau, c'est ça. Il y en a de toutes les tailles. Ah. Mais si tu trouves. Guillaume, bonjour. Salut Manu, salut l'équipe. Qu'est-ce que t'aimerais réussir à faire? Qu'est-ce que t'aimerais savoir faire? Mais t'as un moment, t'as dit, ok, j'abdique, drapeau blanc, t'as gagné. Ouais, alors clairement c'est le montage de meubles. En fait j'ai très vite compris que c'était pas pour moi, c'était une catastrophe. Alors du coup maintenant quand j'ai besoin, bah, je demande à mon beau-père de passer à la maison, ça marche mieux. Mais tu sais quoi, c'est pas mal hein. Ouais, t'es nul en bricolage, il faut trouver quelqu'un qui est bon en bricolage et puis il passe à la maison, il sera content en plus ton beau-père parce que t'as, franchement ta mère en ce moment elle le saoule. Ouais. C'est l'histoire de famille. Merci de nous avoir appelé Guillaume. En quoi vraiment vous êtes nul et pourtant vous auriez vraiment aimé réussir? Je suis nul en informatique, mais c'est une catastrophe. Donc là j'ai lâché l'affaire parce que j'ai bloqué trop d'ordi. Trop d'ordi ont souffert à cause de moi. C'est pas que t'es nul en informatique, c'est que Je comprends pas. Bah, non, mais parce que pour bloquer les ordinateurs, faut y aller quand même. Bah, je tente des trucs sur des touches et ça bloque tout. Je tente des trucs. Je tente des trucs sur des touches. Chloé, bonjour.

Chers voyageurs, notre voyage continue. Oh, écoutez, vous entendez? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Les forfaits Power. Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10 euros par mois. Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein. Ah oui, Francis. Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. La bonne idée but, c'est un déstockage monstre avec des promos qui font très mal. Je préfère vous prévenir, hein, si vous êtes sensible. Le déstockage monstre en ce moment chez But, c'est des prix sacrifiés sur de nombreux produits. But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions et produits concernés en magasin sur but.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h32, juste après Kygo et Imagine Dragons. On va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots. Et nous allons entrer dans le petit train des questions. Ah ouais? Oui, c'est jeudi. Juste après les infos de 7h30, on rentre dans le petit train des questions. Vous savez pas ce que c'est? Ben vous allez le découvrir. C'est juste après les infos. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Toujours ce brouillard épais dans une large moitié nord ce matin. Cet après-midi, c'est le soleil qui va dominer sur la grande majorité des régions. Encore quelques nuages entrecoupés de belles éclaircies sur les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté ou le Grand Est. On attend une dégradation demain par le nord et la chute des températures ce week-end. Cet après-midi, il fera 15 degrés à Belfort, 19 à Sarlat, 21 à Fréjus. Réparer une injustice, c'est le but de la secrétaire d'État Sophie Cluzel. Elle affirme ce matin dans Aujourd'hui en France que les 300 000 handicapés mentaux ou physiques interdits de vote à l'heure actuelle pourront bientôt le faire. Et ils auront le droit de glisser un bulletin dans l'urne au plus tard en 2020 pour les prochaines municipales. Même chose pour le mariage dont certaines personnes handicapées sont exclues à l'heure actuelle. Tout est relatif dans certaines villes. Avec 300 000 euros, on pourrait s'offrir un palace, pas à Londres en tout cas. Selon une étude internationale hier, impossible d'acheter plus qu'un petit 18 mètres carrés dans la ville la plus chère du classement. New York arrive juste derrière avec 20 mètres carrés pour la même somme. Paris est quatrième avec la possibilité quand même de trouver un deux pièces de 31 mètres carrés. À l'étranger, des colis suspects en série aux États-Unis, potentiellement explosifs. Ils étaient adressés à des personnalités comme Hillary Clinton et Barack Obama ou encore à la chaîne de télé CNN. La tension politique là-bas est en son comble. On est à 13 jours des élections législatives. C'est déjà mieux que rien. Nos trois clubs français engagés en Ligue des Champions n'ont pas perdu cette semaine. Ils n'ont pas gagné non plus. Après Lyon mardi, Monaco et Paris ont fait match nul à leur tour hier. Les Monégasques rentrent de Bruges en Belgique avec un bon 1 partout. Les Parisiens, eux, sont passés tout près de la catastrophe en décrochant un 2 partout à la dernière minute face à Naples au Parc des Princes. On retrouve l'Europa League ce soir avec notamment Marseille et Lazio de Rome au Vélodrome à 21h. Il espère bien mettre un quatrième trophée au-dessus de la cheminée. Après un triomphe en 2016 et 2017, Amir est de nouveau nommé aux Energy Music Awards. Face à Kenji, Slimane, Soprano ou encore Maître Gims, il est en lice parmi les artistes masculins francophones de l'année. Il compte maintenant sur ses fans pour le porter jusqu'à la victoire. Une communauté qui ne l'a jamais lâché. Et je voudrais que ça dure longtemps. On peut voter chaque jour, on peut faire voter tout ce qu'on veut. Ça coûte rien, ça prend 10 secondes à peine. À chaque fois que j'ai fait les NMA, j'ai eu cette chance incroyable de repartir avec un prix. Du moment que le public décide de donner autant de temps et accorder de l'attention à son artiste. À chaque fois que ça m'est arrivé, je me suis pris une belle claque d'amour qui me donnait beaucoup de force pour continuer, beaucoup de force pour avoir envie de toujours tout donner. Et évidemment qu'on en veut encore parce que c'est attraper dans ses mains un symbole réel, palpable du lien avec ces gens-là pour lesquels on se présente tous les soirs sur scène, pour lesquels on passe des nuits blanches pour écrire des morceaux auxquels on pense jour et nuit. C'est formidable. Voilà, interview signée Sébastien Lefflecoq, direction Energy.fr pour soutenir vos artistes préférés. Vous avez jusqu'au 9 novembre, à la veille de la cérémonie des Energy Music Awards en direct de Cannes, comme d'habitude. À 7h35, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne journée. On est là. Bonjour. Que tout le monde panique, c'est nous qui gérons la situation. Ouais. On est avec vous pour démarrer la journée. C'est jeudi aujourd'hui, c'est le 25 octobre. Tous les Wawa du matin sont là. Il y a Isabelle, il y a Paulette, il y a Nico, il y a Glandu. Et il y a vous, évidemment, avec nous. Et vous allez pouvoir nous appeler maintenant, car nous allons rentrer dans le petit train des questions. Wouhou. Avant d'écouter Kygo et Imagine Dragons, nous entrons dans ce petit train. Ce petit train est spécial. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas que les voyageurs, il prend aussi des questions. Je vais vous poser trois questions. Et dès que vous sentez que vous avez une bonne réponse à une des questions, et ben vous nous appelez au 0870 42 48. C'est parti. Quelle est votre définition de l'homme idéal? C'est une question pour les filles. Ah, très bonne question. Première du petit train des questions. Quelle est votre définition de l'homme idéal? Ah. Faut être court et précis. Hein. Ok. Oui, non, je le préviens parce que vous l'êtes jamais. Donc ça va, Manu, on commence pas. C'est question pour les filles. Deuxième question du coup, question pour les hommes. Ouais. Quel est le truc le plus cool que vous ayez fait, mais qu'aucun témoin n'a vu? Tu fais un truc, tu prends une feuille de papier sans regarder, tu la lances, elle atterrit dans la poubelle à 4 mètres. Et là tu dis, merde, personne m'a vu. Mais oui. Okay. Quel est le truc le plus cool que vous ayez fait, mais qu'aucun témoin n'a vu? Et enfin, dernière question. Qu'est-ce que vous êtes sûr de ne jamais plus acheter de votre vie? Vous l'avez acheté, et pour une raison que vous allez nous expliquer, vous l'achèterez plus ce truc-là. Okay. Parce que ça ne sert à rien, je ne sais pas. Vous allez nous expliquer vos raisons. C'est parti, le petit train des questions. Quelle est votre définition de l'homme idéal, les filles? Oui. Pour les hommes, quel est le truc le plus cool que vous ayez fait, mais qu'aucun témoin n'a vu? Et enfin, pour tout le monde, qu'est-ce que vous êtes sûr de ne jamais plus acheter? Et pourquoi? 0 870 42 48, vous nous appelez. Et d'ici une petite dizaine de minutes, on répond à ces trois questions dans le petit train des questions. Kaigo tout de suite sur LRJ. Et juste après, on joue au jeu des 5 mots. Sur LRJ, il est 7h40. On avait dit qu'on allait s'écouter Jérémy Frérot, et ben ça arrive. Ouais. On va s'écouter dans 3 minutes, et avant ça, on vous offre le cadeau de votre choix. C'est vous qui décidez. Quelle est la console de tes rêves, Jennifer? La Nintendo Switch, Manu. Salut, Manu, salut les wouah. Salut. Jennifer, la Nintendo Switch arrive pour toi très vite si tu gagnes au jeu des 5 mots. Attention. Oui. Nous allons jouer ensemble. Je rappelle les règles, elles sont simples. Quelqu'un de l'équipe, déjà, va sortir le studio et va tout faire pour te faire gagner. Ce quelqu'un, c'est Nico. Ah, c'est parti. Ouais. Allez, Nico. Allez, attention. Concentre-toi. Nico sort du studio. La porte est fermée. Il est dans le couloir. Il n'entend plus. À partir de maintenant, Jennifer, tu vas respirer profondément et te concentrer. Les règles n'ont pas bougé depuis hier. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, Nico revient. Je fais exactement pareil avec lui. Et si vous avez un mot en commun, il suffit d'un seul sur 5. Et ben, c'est gagné pour toi la Nintendo Switch. Ok ? Ok, je suis prête. Bonne chance à toi, c'est parti. On joue au jeu les 5 mots. Amour. Cœur. Attraper. Raté. Trophée. Coupe. Conseil. Je sais pas. Il faut donner un mot au hasard, c'est pas grave. Arrosoir. Fleur. Waouh. Ouais. Attention, Jennifer. Oui, c'est dommage parce qu'il y a un mot, c'est déjà mort. Ouais. Mais attention. On y croit. Attention, on peut y arriver. Ouais. Nico est de retour dans le studio. Allez, Nico. Ouais, je suis chaud. Il suffit d'un mot en commun pour gagner. C'est parti pour Jennifer, Nico. Ouais. On joue au jeu les 5 mots. Amour. Couple. Ah. Jennifer avait dit cœur. Ah ouais, aussi. Ah. On continue, il reste 4 mots. Attraper. Prendre. Jennifer avait dit rater. Ah ouais. Allez, Nico. Allez. Tu vas y arriver. Ouais, je vais y arriver. Il reste 3 mots. Trophée. Coupe. Et ouais. Génial. Et ben voilà, Jennifer, c'est gagné. Il restait 2 mots. Yes. Alors, le 4e mot, c'était conseil. Ouais. Je te vois le buzz parce qu'elle n'a pas répondu. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Okay. Là, elle a abandonné, Jennifer. Ouais. C'était non, bah celui-là, je réponds pas. Ok. J'ai. T'as bugué, ça arrive. Et enfin, le dernier mot, arrosoir. Plante. Elle avait dit fleur. Ah, wow, pas loin. On a été bon sur un mot, c'est très bien. Et ben ça suffit, Jennifer, la Nintendo Switch. Elle arrive vite pour toi. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci tout le monde. 7h43, le jeu des 5 mots revient demain à la même heure. Attention, dans 3 minutes, retour du petit train des questions. Oui. On vous prend au téléphone juste après Jérémy Frérot sur Énergie. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9, on démarre la journée ensemble. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y passer. Penser à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes. Au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré. Sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe. De la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir. Pas les paroles, mais j'adore. Ah ouais. Kaiser Panda. Ça arrive pour vous dans 3 minutes sur NRJ, il est 7h46. Soyez les bienvenus parmi nous. Nous allons entrer maintenant tous ensemble dans le petit train des questions. Oui. Il y a un quart d'heure, je vous ai posé 3 questions. Je vous ai laissé le temps de nous appeler pour y répondre. C'est parti, c'est le concept du petit train des questions. Première question. Oui. Les filles, quelle est votre définition de l'homme idéal, Isabelle? L'homme idéal, c'est celui qui sait ce que tu ressens sans que t'aies à lui expliquer. Rien compris. Mais si, Manu, tu vois, tu ressens quoi, paf paf, non, on n'a pas besoin de parler. Cherche pas, ouais. Je suis pas l'homme idéal. Quelle est votre définition de l'homme idéal? Aurélie, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les moins. Salut. Coucou. On t'écoute. Donc, pour moi, l'homme idéal, il faut qu'il soit doux, courageux et drôle. Ah ouais. Ah ouais. Que drôle, ça suffit pas. Je suis pas très courageux, j'avoue. Merci de nous avoir appelé, Aurélie. Votre définition de l'homme idéal, Paulette? Mais moi aussi, il faut qu'il soit drôle, mais aussi il faut qu'il soit plus grand que moi, musclé mais pas trop bodybuildé, sensible, qu'il aime aussi la fête, la mode, les animaux, les voyages, qu'il soit viril mais pas macho, hein, et voilà. Paulette, oui. J'avais demandé une définition courte de l'homme idéal. Et ta définition de l'homme idéal me fait peut-être comprendre pourquoi tu l'as pas encore trouvé. Attention, on continue. Deuxième question du petit train des questions. Question pour les hommes, du coup. Ouais. Quel est le truc le plus cool que vous ayez jamais fait, mais qu'aucun témoin n'a vu? Nico? Ah, moi j'ai fait pipi dans les toilettes de Mick Jagger. Le chanteur des Rolling Stones. C'est vrai. Non mais l'histoire elle est dingue. Ouais, toi tu le sais, mais c'est en fait il a une maison dans le sud de la France, à côté d'où habitent mes parents. Et quand j'avais 16 ans, je jouais de la guitare sur la plage avec sa fille. Oh, et wow, du coup, elle m'a fait rentrer dans la maison et je lui ai dit est-ce que je peux aller aux toilettes, et je suis allé faire pipi. J'étais tout seul aux toilettes. C'était oui, bah, quoi. Après effectivement, c'est normal qu'il y ait pas de témoin avec toi aux toilettes. Ouais, mais c'est, voilà, les gens me croyaient pas. Et alors, il est propre, Mick Jagger? Ah, c'est propre, papier toilette blanc. Wow. Voilà, tout simplement. Ça c'est un scoop. La question de Glandu. Est-ce qu'il est propre, Mick Jagger? Quelle est la chose la plus cool que vous ayez faite, mais hélas, il n'y avait pas de témoin? Morgane, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouins. On écoute ton histoire. Alors, une fois, en me baladant dans la forêt pour chercher des champignons, je suis tombé sur un champignon en forme de phallus. Hein? Et malheureusement, il n'y avait personne avec moi. Malheureusement. Parce qu'il y aurait eu quelqu'un. Qu'est-ce que t'aurais dit? Genre, t'es avec ta copine, tu fais une sortie en forêt un petit peu romantique. Bah il oui. Y a une bite par terre. Non, Morgane, c'est bien qu'il n'y ait pas eu de témoin, je crois. Ça, c'est con. Ça, c'est le genre de truc. T'as un téléphone sur toi, tu prends la photo, ça fait des likes sur Instagram. Hein. Ah ouais. Ah, tu te marres. Je sais pas. Merci de nous avoir appelé, Morgane. Quelle est la chose la plus cool que vous ayez faite, mais il n'y avait pas de témoin? Glandu. Moi, c'est un salto en ski. J'étais parti, je vous assure, j'étais parti tout seul, petite session en piste, bam bam. Non. Grosse poudreuse. Mais non. Je me dis, je vais essayer. Mais non. Alors, il n'était pas académique, oui, il n'était pas académique. Je suis retombé sur mes skis, je ne suis pas tombé. Non, il n'y avait personne. Non, t'as fait un tour sur toi-même. J'ai fait un tour moi-même, je te jure. Glandu. Boss relevé. Glandu. Je pars en arrière. Mais Glandu, ça s'appelle une chute, c'est pas un salto. Ça s'appelle pas une chute, je suis pas tombé. Mais j'avais déjà en plus à une bosse qui était pas prévue. Tu te dis, oh putain, comment je me rattrape? Et là, tu fais, oh, j'ai fait le salto. J'ai tourné. J'ai fait du ski avec toi, Glandu. Justement, t'as vu un peu ce niveau. Non, mais après, j'ai perdu parce que je suis passé au snowboard. Non, le seul niveau que j'ai vu, comment te dire. Non, mais t'as le temps de me voir en plus, parce que je suis toujours devant toi. Il attaque déjà. C'est reparti. J'attaque tôt cette année. Il attaque déjà cette année. Il attaque sur le ski déjà au mois d'octobre. Ouais. Je vais te dégonder, mec. Rendez-vous en haut de la piste. C'est pas vrai. Allez. Dernière question du petit train des questions. Qu'est-ce que vous êtes sûr de ne jamais plus acheter et pourquoi? Attention, c'est parti. Paulette. Du shampoing sec. Je dénonce. ça ne lave pas du tout les cheveux et en fait ça les rend super gras. On avait l'impression que, je sais pas, j'avais mis de l'huile d'olive dans mes cheveux. Quand j'ai essayé le shampoing sec, c'était horrible, j'ai passé une journée atroce. C'est bon, tu l'as bien vendu. Qu'est-ce que vous êtes sûr de ne plus jamais acheter? Géraldine, bonjour. Salut les ouinouins, salut Manu. On t'écoute. Alors moi, j'ai acheté de la crème pour amincir les hanches, fesses et cuisses. Et en fait, ça a juste aminci mon portefeuille puisque ça ne marche pas du tout et ça coûte une blinde. Aïe. Ah ouais. Ah, et on... Eh ouais. Et avec un peu, si t'avais eu vraiment pas de chance du tout, t'aurais même acheté du shampoing sec. Merci de nous avoir appelé, Géraldine. Belle journée à toi. Quelle est la chose que vous n'achèterez plus jamais de votre vie, Glandu? Moi, c'est des olives, pas des noyautés. Parce que j'ai failli me casser plusieurs dents dessus, et ça, c'est quand je les avale pas. Des fois, les avale aussi. Et après, tu veux nous faire croire que tu fais des saltos au ski? Monsieur, je sais pas dénoyauter une olive. Ouais, mais attends, je suis hyper bon au ski. Bah non, non, non. T'es aussi doué au ski que pour dénoyauter les olives. Mais si, 7h52. Le petit train des questions reviendra la semaine prochaine. Kaiser Panda, tout de suite pour vous sur Énergie. On double votre salaire à 8h05. Bon réveil, bienvenue. Oye, la fiesta dite llama, suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la carne. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque, de noche me floco como Yandel. En el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el estrés, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente marcha, Bogotá para rumbear y Bogotá para danzar. Hemos llegado todos ya, Pipona y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente marcha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la vea, quiero el ritmo sin ley. Sur Énergie, 7h55. Dans 10 minutes, c'est peut-être vous qu'on appelle en direct pour doubler votre salaire si vous vous inscrivez. Parce que sinon, c'est compliqué. Vous allez sur énergie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69. On va s'écouter Vita et Slimane. Et avant ça, attention. Ouf. Alors là, la breaking news. Oh. Ah. Les chercheurs de l'Université du Texas aux États-Unis sont en train de travailler sur un coton particulier. Le coton comestible. Oh. Quoi? Oui, le coton de nos pulls, de nos vêtements. Ah. Ils sont en train de travailler sur un coton comestible. Ouais. Ils ont réussi à éliminer le gène qui produit l'élément toxique du coton. Il pourrait donc totalement se manger. Oh. Et alors, je cite les chercheurs, il aurait le goût du houmous. Ah ouais. Génial. C'est bon le houmous. Mais ouais, c'est trop bon. T'imagines un premier rendez-vous? Tu m'emmènes au resto? Non, je t'emmène chez H&M. Régale-toi.

Manu dans le 6-9. Dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h qu'on amène le coq. Chante, petit coq, chante. Énergie. On va doubler votre salaire juste après les infos et on va écouter Vita et Slimane. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore plus de brouillard ce matin sur une large moitié nord. Soyez très prudents sur la route. Cet après-midi, on va retrouver du soleil sur la grande majorité du pays. Quelques nuages, mais pas de pluie en principe pour la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, en passant par les Hauts-de-France. Des éclaircies aussi malgré tout. Les températures, elles remontent de 10 à 19 degrés en ce moment. Au max, on aura 14 à Sedan, 16 au Mans, jusqu'à 21 pour Toulon. Et ça va rechuter à partir de ce week-end. Plusieurs personnalités américaines visées par des colis suspects. Hier, Barack Obama, Hillary Clinton ou encore des représentants de CNN ont reçu des paquets contenant des engins ressemblant à des explosifs. Aux États-Unis, ce matin, on évoque la piste du terrorisme politique en pleine campagne électorale, même si personne n'a revendiqué. Ce sont surtout des opposants à Donald Trump qui ont été ciblés. Le président a immédiatement condamné ces attaques. Une date importante, tous les syndicats de salariés, mais aussi de patrons, se retrouveront le 9 novembre pour le début des négociations sur la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement leur demande en fait de faire des économies très importantes sur le système qui existe déjà. Ça s'annonce compliqué dans un contexte de légère hausse du nombre de demandeurs d'emploi en France. Les chiffres pour le troisième trimestre seront dévoilés d'ailleurs ce midi. 1 milliard 500 millions de dollars, c'est le montant record de la plus grosse cagnotte du loto de l'histoire. Le jackpot hallucinant vient d'être remporté aux États-Unis. L'identité du gagnant n'a pas encore été dévoilée, mais on sait déjà qu'il a validé son ticket dans une petite ville de l'État de Caroline du Sud. Il avait une chance sur 300 millions de remporter le gros lot. Le sport, le foot, Paris a eu très chaud hier, mené à deux reprises chez eux contre Naples en Ligue des Champions. Les joueurs de la capitale peuvent dire merci à Angel Di Maria qui a égalisé dans les arrêts de jeu. Score finale de partout pour un PSG seulement troisième de sa poule et donc en très grand danger pour la qualification à mi-parcours. Un peu plus tôt, Monaco ramenait le point du nul un partout de Bruges en Belgique. Place à l'Europa League ce soir, notamment Marseille et Lazio. Ce sera au stade Vélodrome à 21h. Un mot de vélo aussi, le parcours du Tour de France 2019 sera dévoilé aujourd'hui à Paris. Départ prévu le 6 juillet depuis l'étranger, depuis Bruxelles en Belgique pour une arrivée sur les Champs-Élysées comme d'habitude 3 semaines plus tard. Ça, c'est fait. Il n'aura fallu que 5 petites minutes à Pink hier pour remplir la salle. Les 38 000 billets de son concert à Paris La Défense Arena le 3 juillet prochain sont donc envolés en un rien de temps. La chanteuse est nommée cette année aux Energy Music Awards, tout comme Calvin Harris. Le DJ sortira un nouveau single la semaine prochaine et il pourrait chanter dessus, selon les rumeurs. Le producteur Benny Blanco, connu pour son travail avec Britney Spears, ou encore Katy Perry a bossé sur le morceau. Les votes pour la 20e édition d'Energy Music Awards, c'est comme d'habitude sur energy.fr jusqu'au 9 novembre. 8h03, c'est la fin de ce flash. Pour l'instant, on est le 25 octobre. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 pour débuter une belle journée. Et nous, on se retrouve dans une toute petite demi-heure pour un prochain point sur l'actu. Bonne journée. Il est 8h04, ça veut dire que dans quelques secondes, c'est peut-être vous qu'on va appeler pour doubler votre salaire si vous vous êtes inscrit sur energie.fr ou Manu dans le 69.com. Ouais. Juste après, Vita et Slimane, les cocos du jour seront de retour. Oui. Yes. Ah. Des gens improbables qui font des choses improbables pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Voilà. Restez bien avec nous, je vous raconte leurs histoires dans même pas 10 minutes. Tout de suite, c'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 69, tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Angélique habite Annette-sur-Marne, c'est en Seine-et-Marne, elle a 31 ans et elle touche chaque mois 1498 euros. Angélique, on t'appelle maintenant parce que tu t'es inscrite sur energie.fr et t'as eu raison. C'est parti. Nous allons faire de toi une femme heureuse. Oh. Il est loin le temps où je rendais une femme heureuse. Oh, mais non. Allô. j'aime bien quand vous faites ça. Allô. Angélique. Oui. Angélique d'Annette-sur-Marne. Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et Angélique, je t'annonce que je vais doubler ton salaire. Oh là là, c'est trop bien. Merci. 1498 euros x 2, ça fait 2996 euros et ça arrive très vite pour toi. Merci Manu, franchement merci beaucoup. Tu es directrice d'un centre de loisirs. Oh. C'est ça. C'est-à-dire que tous les parents déposent leurs enfants et pendant toute la journée, tu dois t'occuper d'eux et gérer tout ce bordel. Voilà, plus ou moins, c'est ça, exactement. J'ai peur, plus que moins. C'est plus mon équipe d'animation qui s'en occupe, mais moi je suis là aussi, quoi. Ouais, parce que t'es la directrice, donc toi t'as pas... Ouais. Ok, tu vois. C'est ça, j'ai le bon côté, en fait. Et vous organisez quoi? C'est les vacances en ce moment? Donc du coup... C'est les vacances en ce moment, ouais. Donc il y a plein d'enfants. Ouais. C'est quoi les trucs qui marchent? C'est quoi les trucs qui cartonnent? Là, en ce moment, c'est Halloween. Hein. Vous préparez Halloween? Ouais, on prépare Halloween, donc on décore notre centre. Oh. Et il y a toujours je me rappelle quand j'étais petit en centre de loisirs, le papier crépon. le papier crépon est notre ami. Hein. C'est dingue. Alors, le papier crépon, c'est un truc que tu le vois quand t'es enfant. Mais après, tu le vois plus jamais de ta vie. Ouais, c'est vrai. Nous aussi. Voilà. Mais oui, mais tu sais quoi, je sais même pas où ça s'achète. Je n'ai jamais dit d'ailleurs le mot papier crépon depuis 25 ans. Donc je suis très content grâce à toi de pouvoir dire le mot papier crépon. Je le redis, papier crépon. C'est un truc de dingue. Ouais. Et depuis, ça s'achète où le papier crépon? On le trouve partout. Hein. Papier crépon, franchement, on en trouve dans tous les rayons scolaires. Ah, c'est peut-être pour ça alors. J'ai arrêté le rayon scolaire en même temps que le rayon papier crépon. Angélique, on te double ton salaire, 2996 euros. Ça arrive très vite pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, Glandu? Ah, je veux une petite chanson de colo, moi. Ah, une petite chanson? Ah ouais, obligé, Angélique. Évidemment. Directrice de centre de loisirs, quelle est la chanson pour les enfants en ce moment? Allez, vas-y. Moi, je suis plus comptine d'enfants en maternelle. Vas-y. C'est par exemple Petit Escargot. Tout le monde la connaît, Petit Escargot. Oh bah oui. Petit Escargot. Petit Escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête et c'est tant mieux. Vous imaginez un premier rendez-vous avec Angélique? On t'embrasse, Angélique. 2996 euros. Merci beaucoup, Manu. Bisous. 8h08, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com. Vita et Slimane tout de suite. Et juste après, c'est les concours du jour. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Tu ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là. Tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui compte. bienvenue sur Énergie. Il est 8h11, dans un instant, on sera classe. Calvin Harris, ouais. Tu l'écoutes, tu te sens classe. C'est vrai. C'est vrai. Même si tu sais pas danser, t'as l'impression que tu sais danser quand tu l'écoutes. Et tu prends une boisson on the rocks. Bien sûr. Tu vois, juste un glaçon. T'as juste envie de dire cette phrase. Juste un glaçon. Ouais. Calvin Harris, ça arrive pour vous, mais avant ça, voici tout le contraire. Les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. On vous raconte leurs histoires tous les matins. Attention, il y a des histoires de bière qui arrivent. Oula. Ah. Juste avant ça, une grand-mère complètement tarée. Ça se passe aux États-Unis. Une grand-mère a tiré dans la jambe de son petit-fils adulte. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en pouvait plus que son petit-fils boive et pose la tasse ou le verre directement sur la table basse sans mettre un truc en dessous. Et du coup, ça faisait les tâches et la grand-mère, elle a pété les plombs, elle lui a tiré une balle dans la jambe. Oh. Quand je me disais que ma grand-mère était maniaque, je me dis que tout va bien finalement. Ah, bah oui, en fait, ça va bien. Ah ouais. Absolument. Là, elle risque quand même 7 ans de prison. Hein. Mais là, tu retiens la leçon quand même, mais elle te dit quelque chose quoi. Ah oui. Oui, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des manières plus cool quoi effectivement. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, moi, il y a des trucs qui l'ont dû. Plein de fois que je te l'ai dit, tu les fais pas par exemple. Est-ce que vraiment ça t'amuserait que je te donne la leçon comme ça? Non, je suis pas sûr. On va éviter. Parlons bière. Aux États-Unis, une panne de courant a lieu dans une prison et 4 détenus en profitent pour s'évader. Ouais. Et ils reviennent d'eux-mêmes une heure plus tard. En fait, ils s'étaient évadés, en ont juste profité pour faire des courses à l'extérieur pour s'acheter des bières. Mais non. Et ils sont venus en se disant ouais, c'était juste pour m'acheter des bières, ça va, je suis parti qu'une heure. Alors non, ça s'appelle quand même une évasion, ils vont être jugés pour ça. Deuxième histoire de bière, une brasserie polonaise veut tenter de lancer une nouvelle bière sur le marché, du jamais fait. Une bière goût tralala. Tralala. Non. Tralala, le tralala des filles. Mais non. Ce goût-là. Alors ils expliquent que c'est une bière brassée avec les bactéries du tralala de 2 top modèles. Ouais. Oh non, c'est pas possible. C'est alors, quoi ce truc? Alors, il y a un petit souci. Ouais. C'est qu'en fait la brasserie a lancé pour ça une cagnotte. Ouais. Et que pour l'instant, il n'y a pas eu une participation. Ouais. Tu m'étonnes. Voilà. Ça ressemble à un fantasme, mais qu'il ne faut pas avouer normalement. Non, mais même. C'est quoi, ça ressemble à rien? Voilà, laissez-nous tranquille avec vos bières cheloues. Ouais. 8h13, on revient tout de suite. On va écouter Calvin Harris. Et on va dire merci parce que le jeudi, on dit merci. Okay. Je vous explique ça dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. Dans le 6-9, sur Énergie. Manu et ses ouin ouin. Énergie. Music only. Trap, money, penny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yep. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get the top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Two bad bitches and we kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Kissing, kissing in a wave. Black card in the code to the safe. Code to the safe. Code to the safe. Safe. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your net worth? Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. Bonjour, c'est Kenji. Mon ami, Thiago. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Energy. On va écouter Thiago, le dernier hit de Kenji. Il sera au Energy Music Awards. Ah ouais, yes. Il est nommé dans je sais plus quoi, mais je sais qu'il est nommé. Ok. Oui. Enfin, je crois. Ah bon? Oui, bah, j'ai bien révisé moi. C'est précis. Les Energy Music Awards, c'est le 10 novembre. Ouais. C'est le 10 novembre. On y sera aussi, Manu. On y sera absolument. 8h17, on écoute Calvin Harris tout de suite. Et juste après, les amis, on va dire merci parce que le jeudi, sur Energy, on dit merci. À qui voulez-vous dire merci aujourd'hui? 0870 42 48. On vous prend au téléphone juste après Calvin Harris. Are you drunk or not? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud? My body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heart is dancing alone. I made no promises. Sur Energy, on va écouter Georges Ezra, il y aura aussi Kenji le dernier, Thiago. Thiago, là là. J'adore. Il aime bien cette chanson. Ouais, j'adore. On s'écoute dans 3 minutes, mais avant ça, nous sommes jeudi et le jeudi sur Energy, eh ben on dit merci. Ouais. À qui voulez-vous dire merci? 0870 42 48. Allez, on démarre avec l'équipe. Nico. Yes. Merci à ma femme qui m'a déjà acheté le calendrier de l'Avent Kinder avant qu'il soit en rupture. Ah, c'est bien ça. C'est mignon. Il est un peu partout, là, il faut y aller maintenant, les gars. Hein, parce qu'après, les enfants, ils se ruent dessus et il n'y en a plus pour nous. Et oui, c'est vrai, on vous rappelle le dicton très important. Ouais. Bonheur d'un enfant, non, c'est pour nous. C'est ça. Ouais, ouais, d'accord, ouais. Ok. Très bien. Ouais, c'est à cause de lui les ruptures de stock, je viens de comprendre en fin de temps. Isabelle, hein, c'est gentil. Isabelle. Et puis si tu l'achètes maintenant, tu peux en faire deux, quoi. Un en novembre, un en décembre. Hein, c'est génial. Mais le principe du calendrier. Mais qu'est-ce que vous avez? Le principe du calendrier de l'Avent, ouais, c'est que tu l'ouvres pas en novembre. Ouais, tu peux faire un en novembre, un en décembre, j'ai déjà fait. Oh, ben à ce moment-là, t'achètes directement les Kinder. Hein. À qui voulez-vous dire merci? Allez, on y va, Paulette. Merci à l'émission Faites Entrer l'Accusé de m'endormir tous les soirs. Je me mets un épisode en fond et je m'endors hyper bien. Sur Faites Entrer l'Accusé? Ah ouais, flippant. J'adore. Ouais. J'adore, ça me met dans une ambiance, je sais pas pourquoi ça m'apaise. Mais moi, honnêtement, je peux pas regarder ces émissions. Ah ouais? Mais c'est trop, non mais c'est trop glauque, quoi. Non mais c'est pas que ça fait peur, c'est que c'est, ça te plombe. C'est marrant, je connais une nana aussi comme ça, elle adore ces émissions. Mais, ouais. Mais parce qu'en fait, moi j'ai l'impression de mener l'enquête avec le présentateur et petit à petit, et quand je découvre des trucs avant qu'il les dise. Ok, d'accord, j'ai compris. Non, c'est un truc de nœud, quoi. Ok, d'accord. Mais merci à fait d'entrer l'accusé, bien sûr. Océane est avec nous au téléphone. Bonjour Océane. Yeah, coucou Manu, coucou les ouin-ouin. Coucou. On t'écoute. Ah ben écoute, moi Manu, je voudrais faire un grand merci à mon loueur de voiture qui m'a surclassé sans aucun frais. C'est juste de la bombe. Ça compte. Mais tiens, tous les surclassements, quels qu'ils soient, même le plus petit, quand ça t'arrive, t'as l'impression que la vie, t'as fait un cadeau en fait. Ouais. Waouh! Je vais avoir la plus grosse voiture pour rien du tout. Ouais. Ça m'est arrivé des fois où le mec il lui dit : je suis désolé, on n'a plus votre catégorie, on va vous surclasser. D'accord. C'est dommage, hein. Merci de nous avoir appelé, Océane. À qui voulez-vous dire merci, Glandu? Merci à Pierre du Standard de porter mon plateau tous les jours à la cantine. Parce qu'avec les béquilles, je peux pas porter mon plateau. Du coup, il est là avec deux plateaux. Ouais, c'est sympa. Oh, il est gentil. Tous les jours, il le fait. Ouais. En revanche, il bosse plus au Standard, Pierre. Non, il porte. Laetitia, bonjour. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Bienvenue sur Énergie, Laetitia. À qui veux-tu dire merci? Je veux dire merci à mon chéri qui m'a enfin fait sa demande en mariage ce week-end. Oh, wow. Et tu l'attendais depuis longtemps? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Waouh, c'est cool, mais j'espère juste Laetitia que t'as pas dit ça, quoi. Ah bah enfin. Enfin, bon, en tout cas, c'est bien, mais t'as été un petit peu long. Du coup, là, je suis en train de louper Demain nous appartient, là. Et l'épisode de soir est hyper important. Félicitations. Merci de nous avoir appelé, Laetitia. Belle journée à toi. 8h23. Kenji sur NRJ. Avec Glandu, il va chanter en studio très fort. Ouais, j'adore. Il va nous fatiguer pendant 3 minutes, mais c'est pas grave. Bon, et bien sur NRJ, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans le 6-9 avec vous. Soyez les bienvenus, merci d'être là. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Diago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Diago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Aussi de moi, dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps.

l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore du brouillard dans une large moitié nord ce matin. Cet après-midi, c'est le soleil qui va dominer sur la grande majorité des régions. Quelques nuages entrecoupés de belles éclaircies sur les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore le Grand Est. On attend une dégradation demain par le nord et la chute des températures ce week-end. Cet après-midi, il fera encore 15 degrés à Belfort, 19 à Sarlat, 21 à Fréjus. Tout est relatif. Dans certaines villes, avec 300 000 euros, on pourrait s'offrir un palace. Pas à Londres, en tout cas, selon une étude internationale hier. Impossible d'acheter plus qu'un petit 18 mètres carrés dans la ville la plus chère du classement. New York arrive juste derrière avec 20 mètres carrés pour la même somme. Paris est quatrième avec tout de même la possibilité de trouver un deux pièces de 31 mètres carrés. Les associations le réclamaient depuis très longtemps. Les 300 000 handicapés mentaux ou physiques interdits de vote à l'heure actuelle pourront bientôt glisser un bulletin dans l'urne. Ce sera au maximum lors des prochaines municipales en 2020. En tout cas, c'est la promesse de la secrétaire d'État Sophie Cluzel ce matin dans Aujourd'hui en France. Elle veut mettre fin à ce qu'elle appelle cette discrimination. Même chose pour le mariage dont certaines personnes handicapées sont exclues à l'heure actuelle. À l'étranger maintenant, pas de revendications aux États-Unis pour l'instant. Hier, des personnalités politiques de l'opposition, mais aussi des journalistes ont reçu des colis suspects, des paquets contenant des engins ressemblant à des explosifs, à des bombes. Barack Obama ou encore Hillary Clinton ont été pris pour cible. 3 nuls en 3 matchs, pas de victoire mais pas de défaite donc cette semaine en Ligue des champions de football pour les clubs français. Hier, Monaco a ramené un bon point de Belgique, un partout pour les Monégasques à Bruges. Le PSG, lui, s'est fait très peur en égalisant seulement à 2-2 à la dernière minute face à Naples au Parc des Princes. La qualif s'annonce donc très compliquée. On retrouve l'Europa League ce soir, notamment Marseille-Lazio de Rome au Vélodrome à partir de 21h. Il prolonge le plaisir après le carton d'Addiction, sacré disque de platine. Namir se prépare cette fois à dévoiler une réédition attendue le 9 novembre. On y retrouvera son dernier single, Longtemps, mais aussi un tas d'inédits. Le chanteur s'est totalement lâché, puis s'est autorisé aussi quelques expérimentations dans son style musical. Et je voudrais que ça dure longtemps. On a fait une réédition folle avec 14 nouvelles chansons, ce qui fait qu'en tout, il va y avoir 29 chansons. On a tapé dans plein d'univers. Il y a du tropical, il y a de l'oriental, il y a du grec, des ballades rock puissantes à l'américaine. Il y a tellement de styles musicaux, évidemment poussé par le morceau Longtemps, premier morceau de la réédition. J'ai toujours rêvé d'avoir ma balade, ma chanson d'amour, un truc tranquille, posé, chanté en guitare-voix. J'étais sur scène et tout le monde a allumé son téléphone et a chanté en chœur avec moi alors que le morceau a même pas deux mois. C'est le moment émouvant qui clôture le concert et j'espère que ça durera longtemps. Voilà, interview signée Sébastien Loflecoq, la réédition d'Addiction dispo dès le 9 novembre, à la veille des 20e Energy Music Awards. Amir est nommé cette année parmi les artistes masculins francophones de l'année. Les votes continuent sur energy.fr. C'est la fin de ce flash. Bonne journée. Les sondages du matin arrivent dans moins de 5 minutes. Ce sera juste après Georges Ezra. On le fait tous les jours et cela nous prend en moyenne que 21 secondes pour le faire. Ah ouais. Wow. De quoi il s'agit la réponse? Eh bien dans les sondages du matin qui arrivent dans 3 minutes. Avant ça, numéro 1 des ventes en France en ce moment. C'est pas étonnant. C'est Johnny Hallyday. Ouais. Tout est numéro 1. Le single, l'album, les, tout. Oh, voilà. C'est dingue. C'est simple. Ouais. Il est partout. Qu'est-ce qui est numéro 1 dans le monde? Est-ce que Johnny Hallyday a franchi les frontières? Eh bien, nous allons le découvrir maintenant. En Birmanie, numéro 1 en ce moment, c'est Dalab, c'est ça. Apparemment, en Birmanie, ils sont restés en 1983. Ouais. Ils sont dans le love, surtout, ils sont hyper romantiques. Ah, ils sont dans le lounge chiant, moi, je trouve. Mais bon. Ouais. Folie, quoi. On sent que l'automne est arrivé en Birmanie depuis quelques temps. Numéro 1 au Mexique en ce moment, il s'appelle Gerardo Ortiz, et c'est ça. Muy inteligente, bueno, pa' cerrar los tratos. Rusos, orientales, colombianos e italianos. Ah ouais. Mexique, quoi. Ouais, c'est génial. Por eso fue de un alto mando. Je l'écouterai pas chez moi, mais comme ça, c'est plutôt marrant. Ah ouais, ouais, moi j'adore le style là, ça met la patate. C'est vrai que sur une soirée à thème, il y a beaucoup plus de smile que la musique d'avant, quoi. Et puis il y a un truc quand même, mec, la musique mexicaine, c'est quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça donne envie de mettre le gros chapeau rigolo. On part en Suède maintenant, Victor Lexell avec le titre Tapat et numéro 1 là-bas. C'est le variété. l'été, hein, c'est... Canon. C'est suédois, ouais, hein, c'est ouais, frais. C'est pas mal, hein. Ça marche, c'est planant. Ouais, c'est bien. Nous partons en Allemagne maintenant. Numéro 1 là-bas, Raf Camora et Bonez MC. Ok. Qu'est-ce qu'ils font en Allemagne, Michael Youn? Ouais, c'est ça. Ouais, t'as l'impression que c'est fou ta cagoule. Ouais, on dirait que c'est pas leur vraie voix, tu sais, qu'ils grossissent leur voix, qu'ils parlent comme ça. Mais oui, ouais. Tu crois que c'est une vanne? Allez, un petit dernier, on va en Nouvelle-Zélande. On sait pas où c'est, mais on sait qu'ils font du rugby. Numéro 1 là-bas, Billy Eilish. Alors, je pense pas m'avancer énormément en disant qu'en ce moment, en Nouvelle-Zélande, il pleut. Vous retrouvez tous ces titres avec des vidéos sur notre page Facebook et Manu dans le 69.com. Georges Ezra, tout de suite. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road. Gotta hit the road. A deep sea diving round the clock. Bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Bon réveil sur Énergie. Que Black arrive dans 3 minutes. Juste après, on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui lit tout, qui écoute tout et qui partage tout avec nous. Mais avant ça, voici, comme chaque jour pour vous, les sondages du matin. Oui. On le fait tous les jours, et cela nous prend en moyenne 21 secondes pour le faire. D'après vous, de quoi il s'agit, Isabelle? Bailler. Ouais. 21 secondes? Ouais. C'est un gros bâillement, hein? Ouais. C'est assez long, hein? Non, c'est pas ça. Non, snoozer le réveil. Snoozer le réveil, ouais. Non. Se coiffer? Se coiffer non plus. Tu le fais sur ton corps ou pas du tout? Oui, c'est un rapport, c'est un rapport avec le corps. Tu le fais pas sur le corps, mais c'est ton corps qui le fait. Mettre du déo? Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qu'on fait dans une pièce particulière? Absolument. Par exemple, si tu le fais dans ton lit, c'est chelou. Faire pipi. Oui. Ah, non. Ouais. On le fait tous les jours, tous, et ça prend en moyenne 21 secondes faire pipi. Ah ouais. Si vraiment ça prend 21 secondes, j'ai une question pour vous les filles. Ouais. Mais qu'est-ce que vous y faites? Oh, vous pouvez parler, vous les gars. Ah ouais. Bah non, oui, vous êtes pareil. Non, vous rigolez quoi. Même pire. Non. Mais nous, quand on va faire pipi, on reste 2 secondes. Bah, vous restez des heures et des heures, quoi. Non. Oui, mais pour l'autre chose, vous passez des heures, vous réfléchissez. Je sais pas ce que vous faites. Non, on parle pas de l'autre chose là. On parle de pipi. Pipi, 21 secondes, voilà. Bon, on passe à autre chose. À la question, t'as fait quoi à l'école aujourd'hui? C'est la réponse la plus donnée par les enfants. C'est quoi? J'ai travaillé. Non. Non. Je me suis fait gronder. Non plus. J'ai rien fait. Non. Non. J'ai joué. Non plus. Il y a une réponse au moins où c'est genre rien et le mec répond. Eh ben, la réponse est justement je sais plus. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, ils oublient. À la question, t'as fait quoi à l'école aujourd'hui? C'est la réponse la plus donnée par les enfants, je sais plus. C'est pas qu'ils oublient, hein, rappelez-vous, vous. C'est que ça vous fait chier de raconter ouais, en fait. C'est ça, c'est vrai. Non mais vous, vous avez déjà vécu la journée à l'école. Ouais, c'est vrai. Et moi, je me rappelle très bien quand j'étais petit. Mmh. Je disais pareil, je sais plus. Ouais. J'ai vécu plein de trucs. Ouais. Un, c'est ma vie. Ouais, c'est ça. Et deux, c'est bon, j'ai pas envie de te raconter mon coup où je me suis galéré toute la journée. Ouais. J'ai pas envie de revivre ce moment. Faut pas dire ça à ta femme le soir, par exemple. Si elle te demande ce que t'as fait aujourd'hui, tu sais plus, ça marche plus, quoi. Ouais, non, c'est un peu vexant. 7 hommes sur 10 se sentent gênés la toute première fois qu'ils le font devant leur partenaire. Qui font quoi? Se mettre tout nu. Non, c'est pas ça. Ils vont aux toilettes? Non plus. Quand ils éternuent? Non plus. Quand ils racontent une blague? Non plus. Faire à manger? Non plus. Bah arrête. C'est quelque chose qu'ils font ou c'est quelque chose? D'accord. Oui, mais comme j'en ai marre de dire non plus, je vais vous donner la réponse. Ouais. C'était danser. 7 hommes sur 10 se sentent gênés la toute première fois qu'ils dansent devant leur partenaire. Ouais. Ah mais je comprends très bien moi. Mais je suis gêné de danser moi devant tout le monde. Donc, ah ouais. C'est vrai. Même franchement, même devant une chèvre, je pense que elle est capable de donner des coups de corde et me dire non, là, tu sors de la boîte mec. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure. Que Black tout de suite sur Énergie. Juste après, on écoute les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Bon réveil, merci d'être là. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Qui fait le matin, rampe comme un serpent. Je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle pense au mariage, mais je suis sonné. M'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres, on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage, tout va tout vite pour moi, oui, Angela. N'en fais pas, genre. Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé. Donc ma relation est sur la sellette. N'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas. Tu penses tout ça sur moi, tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? J'pense qu'ils veulent m'atteindre. Rampe comme un serpent, je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je t'aime, mais j'suis sonné. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais j'suis sonné. Mariage, mais je suis sonné. Sur Énergie et sur toutes les radios du monde. Ouais. Enfin, pas en France en tout cas. Dans notre fuseau horaire. Bon bref. C'est pas que chez nous qu'il est 8h46. Soyez les bienvenus parmi nous. On va s'écouter David Guetta. Ça arrive pour vous dans 2 minutes. Mais avant ça, comme on le fait tous les jours à un moment dans l'émission, on lit les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux et on écoute les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico qui écoute tout, qui lit tout et qui partage tout avec nous. Hier, on s'est tous remis des médailles de ouin-ouin. Ah oui. Oui, parce que parfois dans la vie, on fait des trucs et on se dit ah, j'ai été un peu con là-dessus. Bim, médaille de ouin-ouin. Et sur Facebook aussi, on peut en mettre parce qu'il y a Olivia qui nous dit je me suis envoyé un recommandé, j'ai inversé expéditeur et destinataire et j'ai payé une blinde. Oh, ah, pas mal. C'est bon ça. Hein. Mais un truc, c'est que la première fois que tu remplis le papier du recommandé, ça, t'as l'impression que tu paniques. C'est dur. Non, mais vraiment, tu sais pas quoi. Déjà pour fermer le colis. C'est vrai. Franchement, la plupart du temps, c'est pour ça qu'il y a des longues queues à la poste, pour te donner le temps de réussir à faire le colis. Nathan, j'ai ramené au magasin la tablette que je venais de m'acheter parce que l'écran tactile ne marchait pas. J'avais juste pas enlevé le film de protection. Ah non. Là, t'as l'air très cool. C'est pas mal. C'est le moment où le vendeur enlève le film devant toi en te regardant. Ouais. Humiliation. Et tu dis, ça marche. Ah d'accord. Vous avez fait la queue longtemps, 2 heures. Une autre médaille de ouin-ouin pour Romain qui dit, j'ai démarré mon scoot et en regardant dans mon rétro. Je me suis rendu compte que j'avais oublié ma copine. Attends, j'ai la fin du message et là j'ai accéléré. Et un dernier petit message, c'est Charline qui dit j'ai jeté mon sac à main à la poubelle et j'ai gardé ma poubelle dans la main. Je m'en suis rendu compte quand j'étais dans la voiture. Oh merde. Non, c'est toujours mieux que je devais accompagner mon enfant à l'école et j'ai gardé mon sac poubelle. Ça va, il y a toujours pire. Bon, tous les matins on écoute les messages vocaux que vous nous laissez sur notre application Manu 6-9. Et hier tu nous as dit Manu que ta plus grande peur enfant c'était de tomber dans le trou des toilettes. Ah mais j'étais terrorisé par ça. J'étais tétanisé. Mais j'avais vraiment l'impression qu'en tirant la chasse, on pouvait tomber dedans. Et j'étais pas bien, mais vous m'avez rassuré en me disant que c'était pas possible. Voilà. Bah écoute ça Manu. Coucou Manu, je suis désolée de te dire ça, mais ma fille de 3 ans qui faisait ses besoins sur les toilettes il y a quelques mois est tombée dans les toilettes et elle est restée coincée en hurlant « Maman, je suis coincée dans les toilettes !» Mon Dieu. Je suis désolé. Donc on peut vraiment rester coincé dans les toilettes apparemment. Mais Manu, c'est une petite fille, ça peut plus t'arriver, tu passes pas. Oui, bah déjà moi il dit ça hier quand pour les enfants et voilà. On va avoir maintenant un message de quelqu'un qui va nous appeler dans les toilettes avec son téléphone. Je suis bloqué. Non, pas de ça, désormais je suis dans le salon. Alors, bon, un autre message vocal maintenant de quelqu'un qui fête sa mini victoire avec nous. Hier, mon père et moi on a monté un meuble, il y avait marqué 1h30 et on a monté le meuble en 1 heure. On monte pas des meubles, nous. Trop cool. Ah ouais. Alors, mais carrément. On monte trop pas bien. Des meubles, nous. Bim. Voilà. C'est tout l'inverse. Ils disent, vous pouvez le monter en 1 heure et 3 jours après, je suis toujours dessus. Quoi. Bon, un petit dernier message vocal maintenant pour finir. C'est un petit coup de gueule de Quentin. Et Manu, tu vas te sentir concerné. Ça m'énerve les gens qui répondent juste OK à mes SMS. Ça m'énerve. OK. Ah ouais. 8h49, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur l'application Manu dans le 6-9 à tout moment et on les écoute tous. David Guetta et Anne-Marie sur Énergie. Bon réveil. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. Cause I don't know if I would be alive today, with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how. 8h52, bienvenue sur Énergie. On va écouter Big Flo, Les Petits Biscuits dans 2 minutes. Et avant ça, quelques études. Ah, ouais. Parce qu'il y a des gens dans le monde qui font des études. Et du coup, on en parle à la radio parce qu'il faut leur rendre hommage. Bah oui. Il y a des gens qui font des études pour sauver le monde et faire des vaccins. Et d'autres qui font des études sur les sièges des toilettes. Oula, j'ai peur. Franchement, d'après vous, de quoi on va parler? De sièges de toilettes. Absolument. Dans votre salle de bain, qu'est-ce que vous nettoyez? Bah, le lavabo, la baignoire, le miroir. Ok, Paulette. Bah, la totalité, pareil, je jette du produit et je gratte, quoi. Donc quoi, par exemple, donnez des exemples. Ce que vous lavez dans les... Le bidet, la glace, le sol. Ok, Nico. L'intérieur aussi du meuble. L'intérieur du meuble, oui, bien sûr. Les robinets. Ouais, tout ça, ouais. Ok, vous n'avez pas nettoyé la chose qui contient le plus de bactéries dans votre salle de bain. Arrête. Oula. C'est quoi? Et cette chose, c'est le rideau de douche. Oh! Eh oui, des scientifiques ont fait une étude sur les bactéries dans la salle de bain et ce qui contient le plus de bactéries, c'est le rideau de douche qu'on ne lave jamais. Mais non, il y a toujours de l'eau et du savon dessus. Il y a toujours de l'eau. Ah ouais? Eh oui. Oh non! Et il n'y a pas de savon. Le rideau de douche contient, écoutez bien, 60 fois plus de bactéries que le siège des toilettes. Oh non! Donc on est d'accord que quand il se colle à toi alors que t'as rien demandé, il faut te relaver, quoi. Exactement. Mais complètement. Oh non. Et que tu ressors limite plus sale de la douche que tu n'y es entré, quoi. Exactement. Ah ouais. Ne vous lavez plus. Professeur Manu a bien parlé. Une autre étude sur les femmes au travail. Ouais. Écoutez bien, selon un sondage mené auprès de 2000 femmes, vous songez toutes à démissionner de votre travail 17 fois par an. Ah bon? C'est énorme. C'est énorme. Wow. 17 fois par an, il y a un moment, tu dis, tiens, je vais démissionner. Paulette, on est démasqués. C'est pas sympa pour nous. 34% des femmes penseraient même carrément à changer complètement de métier. Ah, ah ouais? C'est énorme quand même. Mais moi, franchement, en vrai, j'ai ni l'un ni l'autre. Je pense jamais à démissionner. Non, non, mais ça, on le fait pour toi. Hein. on rigole. Hein. Une petite dernière étude, c'est sur le sexe. Écoutez bien, faire du sexe, évidemment, c'est agréable. Oui. Et ça peut aussi vous sauver la vie, parce que chez les hommes, ceux qui font le plus de sexe ont le moins de risques d'avoir des attaques cardiaques. Ouais. C'est un rapport avec le cœur, c'est ça? C'est pour les battements cardiaques? J'en sais rien. Bah alors quoi? Bah, on le fait sans savoir alors. C'est trop cool, on a juste une nouvelle excuse quoi. S'il te plaît, c'est pour ma santé. Bah ouais, c'est ça. Il faut qu'on se porte bien. Après, attention, faire du sexe peut aussi vous provoquer les hommes une attaque cardiaque. De. Quand votre femme vous chope en train de le faire avec quelqu'un d'autre. Ah là oui, ah, oui. Ouais, mais ça c'est pas bien. Non, ah non, c'est pas bien, donc faites attention quand même. 8h55, Big Flo, Oli et Petit Biscuit tout de suite pour vous. On est jeudi, c'est le 25 octobre, on démarre la journée ensemble. Bon réveil, merci d'être là. C'est Manu dans le 6-9 avec vous. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit Biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez. On dirait que tu t'es lassé, qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulades avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses. La nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien. Rien. Dit,